J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs. Puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle formule, enfin non pas nouvelle formule, un retour du podcast en mode chill avec des bières autour de la table et nous sommes dans un bar comme dans les vieux podcasts qu'on tournait l'année dernière. Donc ça va durer un peu plus longtemps. Il y aura pas de news parce qu'on a un gros sujet, c'est les Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc on va faire ça rapidement. On va vous faire, pour les gens qui n'auraient pas vu le film mais qui veulent quand même nous écouter, on va faire une partie sans spoiler. Je pense qu'elle va pas durer longtemps pour être honnête. Et on va vite partir dans la zone spoiler où on pourra parler du film vraiment en profondeur. Et de Kurt Russell, c'est important. Voilà. Moi, et vous l'avez entendu, je suis avec Faye. Salut Faye. Oui, bonjour. Et autour de la table, il n'y a pas trop l'équipe habituelle. De l'équipe habituelle, il y a Juni. Salut Juni. Yo. Et voilà, juste Juni et Faye. Un retour, c'est le retour du bon samaritain qui vient nous aider pour ce podcast et pour donner tout son amour autour de Gardiens de la Galaxie. C'est le retour du DCiste convaincu. Voilà, exactement. Mais tu n'as pas le droit, j'espère que tu as changé cette bio Twitter. Tu n'y as pas le droit. Tu n'as même pas lu Rebirth en plus, non? Bah, il n'est pas sorti si, encore. J'ai lu Rebirth en VO. Ah oui, c'est vrai. Et tu as mon Trinity que tu dois me donner depuis... Depuis un an. Depuis un an, ouais. Et que tu vas te garder pour toi, j'ai l'impression. Je te le donnerai. D'accord. Il est bien, au moins, est-ce que c'est bien? C'est bien. Ok. Bon, bah, vous l'avez entendu, il y a Maxime. À côté, en face de Maxime, il y a un petit nouveau dans l'émission, vous ne l'avez pas encore entendu. Et pourtant, si vous écoutez Radio Campus, vous devez le connaître normalement, puisque tous les mercredis... On connaît ma voix. Ouais, tous les mercredis, il nous parle de cinéma dans Cinémascope. C'est Raphaël, salut Raphaël. Coucou James. Est-ce que ça va? Bah écoute, je suis un peu stressé parce que c'est ma première, comme d'habitude, mais je sens que ça va bien se passer. Ok, et à côté de Raphaël, il y a quelqu'un que vous connaissez déjà, parce qu'il vous a déjà parlé de séries télé, et si vous écoutez Geek en série toutes les deux semaines, le vendredi à 14h, oui je fais un peu de pub, ouais. C'est le spécialiste. Sachez que dans Geek en série, je fais la même chose, je fais de la pub pour Comics Discovery, c'est Vincent, salut Vincent, ça va? Aros, ça va. Tu viens de casser son identité secrète. Ah oui, merde, c'est Aros, excuse-moi. Je le couperai ou non, je le couperai pas. C'est Vincent Aros. En fait, les gens, ils vont t'écouter dans la matinale, tu t'appelles Vincent. Dans Geek en série, tu t'appelles Aros. Et puis, on peut trouver un troisième nom pour Comics Discovery si tu veux. Arosman, Captain. Est-ce que Aros, c'est genre parce que tu pouvais pas utiliser les droits de Arrow? Alors, c'est marrant parce qu'il y a justement quelqu'un qui m'a sorti ça presque ce matin. Genre, il a écrit. Non mais c'était pas parce que t'es pas fan de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Ouais non en fait Arrow c'est l'anagramme de Sora du coup le protagoniste de Kingdom Hearts mais on m'a sorti la référence à Arrow aussi ce matin encore. Voilà. Ouais. Et oui et parce qu'il malheureusement enfin contrairement à ce qu'on pourrait penser il n'y a qu'un fan de Arrow autour de cette table. Enfin, j'espère. Oh, moi je suis fan des deux premières saisons. Ah d'accord. Bah, c'est les seules potables. Hein, je peux dire. Bah, elles sont bon on va se lancer directement dans le sujet et comme vous l'avez compris on va vous parler de Gardiens de la Galaxie écrit et réalisé et produit aussi je crois par Monsieur James Gunn que vous connaissez pour Gardiens de la Galaxie aussi pour Super. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Super autour de la table? Ouais. Tout le monde a vu Super hein. Et bah c'est super parce que c'est un film super voilà. Tout le monde fait cette vanne quand on en parle. En fait. oui je crois oui. Ils doivent en avoir marre. Pourtant moi je l'ai pas trouvé super tu vois. Ouais, non, moi j'ai bien aimé, c'est assez marrant. Donc, on connaît pour aussi, il a fait un film, je sais plus comment il s'appelle, avec des. Oui, il y a le truc avec les larves, il voilà. Il a fait un film avec les larves, ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Il a écrit là un film qui est sorti il y a pas longtemps, Belko Experience, me semble-t-il, un nom comme ça. Ah, c'est pas avec le Dr. Cox, ouais, dans Scrubs. Puis il avait fait Troméo et Juliette, je crois, un truc comme ça. Avec les traumas. Ah, peut-être, non. Ouais. Non, il a bossé pour Trauma. Ouais, je crois qu'il a bossé. Ouais, je crois que c'est vrai qu'il a bossé pour Trauma. Ouais. Il remonte encore plus en mon estime. Ah, on a la caution cinéma ici autour de la table. Elle a changé. Donc, vous pouvez retrouver dans ce film Chris Pratt, qui est juste l'acteur le plus cool de toute la galaxie. Il y en a un autre qui est plus cool. Non, il y a un autre acteur cool, mais on va en arriver après. Il y a aussi Zoe Saldana, Dave Bautista. J'ai trouvé vraiment. On en parlera après. Vin Diesel, je doute qu'on voie beaucoup de Vin Diesel dans ce film, mais bon, on va le citer. Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen, tu as écrit Ken, ce n'est pas oui, Ken. Oui, mais j'ai tapé trop vite. C'est Karen Gillian et Kurt Russell et Sylvester Stallone qui. Voilà. Voilà. On va commencer par un premier tour de table. Et Stanley, bien sûr. Et Stanley, oui, mais comme dans tous les Marvel. Hein. Comme dans tous les Marvel, un petit. Il y a Ben Brodeur, si je me rappelle. Ben Brodeur. Ah oui, le mec, oui, bon, on le voit 30 secondes. Je m'en fous, c'est le Farscape, j'étais à fond. Bon, on va faire un petit tour de table, savoir est-ce que vous avez aimé le 1 déjà ? Et comment vous trouvez. Comment est-ce que vous aimez l'univers Marvel au cinéma ? On va commencer par Vincent, parce qu'il. Il aime bien commencer. J'ai horreur de ça. Merci James. moi, l'univers Marvel au cinéma, ça fait un petit moment que ça me fatigue un peu en fait. Et autant les premiers Gardiens de la Galaxie, j'avais trouvé ça plutôt sympathique. Autant le deuxième, là, j'avoue que ça m'a laissé plutôt tiède en fait. Ouais. Ok. Ouais, moi je suis plutôt d'ici maintenant. Pourtant, à la sortie du film, tu avais l'air parce qu'on nous l'avons vu, on l'a vu ensemble une deuxième fois. Enfin, on en parlera après. Junie. Je pense que tu l'as déjà dit beaucoup autour de la table de Comics Discovery, que tu en avais un peu marre de l'univers Marvel, mais vas-y, tu peux le redire une dernière fois. Marre, j'irai pas forcément jusque-là. Il y a une redite, on va dire. Il y a beaucoup de redites, en fait, que ce soit dans le traitement scénaristique, la structure de pas mal de leurs films est un peu tout le temps la même. Après, j'aimerais qu'ils partent un peu plus loin, on va dire, en termes de bizarre. Parce que c'était surtout ça en fait qui me manquait dans les films Marvel jusqu'à présent, c'est qu'ils se sont un peu limités niveau costume flashy et des méchants bien utilisés. Après pour celui-là, le premier Gardien de la Galaxie en fait, c'est celui qui m'a relancé la foi, on va dire, lorsqu'il est sorti. Même avant qu'il sorte, quand ils ont fait l'annonce, j'ai vu l'affiche. Il y avait quoi sur, c'était un concept art avec le Star-Lord et son équipe, il y avait un raton laveur avec un énorme canon, je me suis dit putain c'est le truc le plus génial que j'ai jamais vu de ma vie. Et j'ai bouffé tous les comics après ça juste pour voir en fait, et ça m'a relancé en fait mon intérêt dans l'univers Marvel Comics. Et le film était tellement bien qu'il a fait pareil avec les films en fait. Ok, bon bah c'était un peu ce que tu dis d'habitude, mais du coup celui-là va te redonner foi du coup, parce que... Question costume flashy et univers un peu what the fuck, ça se pose là quand même. Ouais, plutôt, ouais. C'était un peu long, mais sinon, ouais, j'étais très très très content, surtout au niveau de l'esthétique. Parce que forcément, vu que je suis très porté dessin, j'étais en orgasme devant chacune des images en permanence en fait. Ok, on va passer à Maxime. Tu es fan du premier ? Je suis très fan du premier, je l'ai vu 10 fois au cinéma. Putain, il l'a vu plus que moi au ciné. Donc, du coup, t'es dans le Guinness maintenant. Je suis dans le Guinness. Si tu regardes à Chris Pratt, il y a marqué fan numéro 1, il y a moi. Et après, non, y a parce James. Que t'as pas vu Park and Rec, donc tu ne peux pas te dire fan numéro 1. Du coup, moi j'avais beaucoup aimé le premier. C'est un de mes films dans mon top 3. Et je crois que celui qui est rentré dans le top 3 ex aequo avec lui, c'est le 2. Voilà, pour situer mon. À quel point. L'univers Marvel en dans. Ah, moi je le préfère au DC-verse. C'est. Je trouve que ce que tu disais, Vincent, qu'il n'y a pas de renouveau, que c'est toujours pareil. Je trouve que tu vois, au contraire, avec les phases, ça change vachement. C'est Johnny qui a dit ça. Ah, pardon, excuse-moi. Donc, du coup, Johnny. vous êtes frères, non ? Et voilà. Et du coup, je trouve qu'avec les phases. Non, je pensais que t'allais faire une privée de joke, mais. Je trouve qu'au contraire, avec les phases, ça se relance bien et. Moi j'adhère, vachement. J'ai compris la Free Joke après, donc je ne le révélerai pas, mais j'ai compris. Raphaël. Oui. Donc, alors, ma relation avec le premier ? Ouais, et avec l'univers Marvel. Alors j'avais beaucoup aimé le premier, je trouvais que c'était un vent de fraîcheur un peu à partir de... Enfin, parce que j'avais vu tous les premiers films Origin Story un peu, et là je trouvais que ça apportait une différence dans le sens où c'était une équipe qu'on suivait, donc on découvrait plusieurs personnages en même temps. Directement, donc ça m'avait beaucoup plu. Aussi, ce que j'avais beaucoup aimé, et ce que j'aime beaucoup aussi dans le 2, même si on verra que j'ai pas tellement aimé le 2, c'est le côté pulp. Le côté pulp qui est très présent, c'est-à-dire c'est un univers qui est aussi musical, qui est aussi avec beaucoup de références. Moi, ça me fait penser un peu au. Par exemple, quand on lit un métal hurlant, ce genre de choses, tu vois, on tourne la page, on a une critique de musique, on a une critique de jeux vidéo à côté. C'est un univers global qui renvoie à une nostalgie, ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier et ce que aussi on retrouve dans le 2. Donc oui, je trouvais que ça faisait un peu différent des Marvel qui moi me... Enfin, c'est un peu c'est codifié, c'est trop codifié pour moi. Et je pensais que par exemple un Ant-Man réalisé par Edgar Wright, qui devait être réalisé par Edgar Wright, allait être dans la continuité, mais pas du tout. Enfin, en tout cas moi ça n'avait pas du tout plu. Donc voilà, Je pensais que les Gardiens de la Galaxie, ça allait être une franchise qui allait donner de la fraîcheur au Marvel Cinematic Universe. Et du coup, dans le 2, un peu moins, je trouve. Voilà. Ok. Faye ? Oui, bah, moi, le Marvel Universe, ça a commencé un peu à me saouler parce que c'est toujours pareil. Toujours la même structure scénaristique et c'est vrai que voilà, à part Avenger que j'aime d'amour parce que c'est Whedon et le premier gardien, le reste m'emmerde un peu. Et donc le 2, ben, je l'ai adoré parce que je suis super fan de l'univers et dans le style, ben, je vais le rapprocher aussi de Whedon parce qu'il y a toutes les références pop culture, tu vois, là on est vachement centré sur les persos, enfin j'ai tout aimé. Et puis il y a un casting qui est génial et il y a Kurt Russell que j'aime d'amour depuis mon enfance, voilà. Donc j'ai aimé. J'avais noté un truc, enfin tu avais noté un truc pour être exact, mais j'ai pas posé la question, mais du coup comme il y a que 4 lecteurs de comics autour de la table, ça va aller vite. Est-ce que vous avez lu un des gardiens? Oui, bah, on est 4. Tu m'as compté dedans? Bah 4. Tu sais compter? Tu en avais lu aussi? Enfin je sais pas, non, tu lis pas de comics non? Je lisais, mais j'étais plus d'ici moi en lecture. Ok, bon bah il y a 5, je suis désolé. Donc est-ce que t'as lu du Faye, est-ce que t'as lu du Gardien? Ouais. Et quelle est ta relation avec les Gardiens mais en comics? Alors bah, en comics, tu vois, c'est le premier film qui m'a donné envie de... Oh, on entend d'ailleurs en fond excusez-moi, ça m'a troublé. Donc c'est vrai que c'est le premier film qui m'a donné envie de découvrir parce que je connaissais pas du tout. D'ailleurs quand j'avais vu la bande-annonce, tu vois, j'étais... ouais, bof. Et puis après, j'ai découvert Chris Pratt dans Parc et Récréation. Je dis donc, je vais le voir pour lui parce qu'il m'a fait mon bras derrière. Bref. Et donc, ouais. Du coup, après, j'ai découvert le comics. Donc, j'ai lu des vieilles histoires. Et à l'époque, il y avait aussi en TPB les histoires, enfin, les Gardiens de la Galaxie qui étaient faites par Pikeli. Ouais, Sarah Pikeli. Ouais. Du coup, ouais, voilà, merci. Et du coup, j'avais acheté ça pour lire. J'avais trouvé ça sympathique. Et voilà. Donc, Ok. Maxime ? Moi, j'aime pas trop les Gardiens en comics. Je me suis tapé de Marvel Now, du coup, avec Pikeli et Bendis, jusqu'à Post-Secret War, donc All New, All Different. Et c'est une plaie. Mais en c'est fait, une t'as plaie. Lâché, parce que t'as arrêté de lire... J'ai lâché à All New, All Different. Ouais, en fait, t'as lâché avec Secret War, quoi. Après, j'ai bien aimé Secret War, et j'ai lâché après. Parce que du coup, après, ça devient... Pourquoi tu te fais du mal? C'est ok, alors en fait, le Gardien de la Galaxie qu'il faut lire, les Gardiens, on va dire. Si tu vas parler d'annihilation et tout, j'aime pas. Ah bah justement, c'est eux. C'est-à-dire que si t'aimes pas ça, t'aimes pas les Gardiens, on va dire. Parce que c'est ça en fait la base. Autant oui. Du film que les Gardiens en général, on va dire, c'est ça. Et la version de Bendis a plus ou moins foutu en l'air tous les persos et l'univers et tout. Non, les dessins de la. C'est les dessins qu'il aime pas dans les. Non, Annihilation, j'aime pas les deux. J'aime pas l'histoire, j'aime pas les dessins. Bah voilà, donc il aime pas particulièrement les Gardiens, c'est pas grave. Et ouais, donc justement, Faye, elle est d'accord avec moi, l'histoire d'annihilation c'est un truc de dingue et le coup de... J'ai lu que le premier TPP. Et bon, surtout que toute la partie 2008, 2007, 2008 des Gardiens du Cosmic Marvel en fait. D'Abnett et. Ouais, c'est ça. Et c'est énorme. C'est autant les Gardiens, il y a aussi Nova, il y a le Silver Surfer, il y a Thanos, il y a plein de personnages qui font plein de trucs ensemble. Ouais, ouais. Et le truc c'est que c'est pour ça en fait les Gardiens de la Galaxie font un peu les lire en commun avec le reste. C'est pas indispensable, mais pour avoir justement tout lu, tous les spin-offs et machin comme ça, c'est énorme. Et c'est d'une richesse au niveau du scénario, du dessin, de l'univers. C'est extrêmement impressionnant. Et du coup, ouais, Bendis, il a un peu tout foutu en l'air quand il a récupéré, parce qu'il avait l'air de... Il a fait l'erreur de pas mal d'auteurs qui s'en foutent, c'est-à-dire, je sais qu'il y a eu des trucs avant, mais je m'en tape. Et il a modifié un peu tout, et après, il a fait Bendis, moins il était un peu en auto... il a un... Ça fait un peu un moment qu'il est en autopilote et qu'il écrit pour écrire, tu vois. Ouais, voilà. Et du coup, ben, le résultat s'en ressent, quoi. Et après, niveau comics, si les gens ont aimé les films de Gardiens de la Galaxie, les comics sont suffisamment différents pour justifier, en fait, d'aller les lire, parce que ce sera tellement... Ce sera une autre expérience en fait. Il y a beaucoup de trucs en commun, mais il y a tellement coup, de trucs. Il n'y a qu'un arc, il y a que l'arc Annihilation. Après, si les gens, tu vois, ils veulent. Non, il y en a plein d'autres après. Il y a toute la rencontre avec Kang, le conquérant. Il y a tout oui, un. Mais du coup, tu vois, ça rentre dans l'arc Annihilation, Conquest et tout là. Ça arrive après. Ouais, mais c'est dans l'arc. T'as la guerre des rois. C'est cette époque-là. Oui, c'est dans. Ouais, ouais. C'est un arc vraiment. Au sens vraiment de large du terme. Il y a peut-être 50 numéros. Un truc comme ça, ouais. Ouais, du coup, pour moi, tu vois, c'est un run, si tu veux. C'est le run d'Abnett. Ouais, c'est le run à run. Mais du coup, tu vois, si demain, James, il va chez son libraire indépendant et qu'il prend des gardiens, il va y avoir que tout ce qui est All New, All Different. Ouais, bon, après, il faut les trouver. Hein. Voilà, après, voilà, c'est ça. Le truc, c'est la partie la plus chiante. Il faut les trouver, il faut avoir envie de les lire, tu vois. Si tu prends ce que le entre guillemets le marketing et Panini te met en avant. Non, c'est pour ça que je dis qu'il faut les chercher et qu'il faut pas lire Bendis. Tu lis pas du vrai gardien. Enfin, ne tombez pas dans le piège. Selon toi, tu lis pas du vrai gardien, tu vois. Bah, en vrai, c'est un grand mot parce qu'après tout, c'est des comics, ça change au fur et à mesure du temps. C'est plus une question de lequel des deux a le plus de qualité, on va dire. Plus que lequel des deux est le plus légitime. Parce que finalement, Bendis, on pourrait tout à fait le considérer légitime. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'aiment bien, c'est pas un mal. Mais à mon sens, en tout cas, la version Abnett. Ouais, ça aussi. Je ne juge pas. C'est 4 est pas mal. Hein. Je ne juge pas. Il y a des éléments dedans que j'ai trouvé sympathiques. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de version plus légitime qu'une autre. C'est vraiment une question de qu'est-ce que tu préfères lire. Et je recommande la version 2008. Et après, c'est chacun son choix, quoi. Du coup, on va repartir sur le film après cette petite parenthèse autour des comics. Juste pour demander, parce que j'ai pas lu les comics. Ouais. Est-ce qu'il s'implique aussi dans le. Vraiment dans ce qu'il y a sur la Terre, pas du tout. Par exemple, dans les Civil War, on les voit pas du tout. J'ai lu les trois premiers. Alors, déjà, pour recentrer un peu le contexte, si tu veux, dans les comics, les personnages qui forment l'équipe des gardiens sont très différents au niveau caractère. Star-Lord est probablement le plus différent de tous. Et ils sortent de. Chronologiquement, dans cet univers-là, dans Marvel Comics, ils sortent de deux guerres qui sont un peu l'équivalent de guerres mondiales, mais à leur échelle de la galaxie. Et Star-Lord crée l'équipe volontairement en se disant la galaxie est en bordel total, les gens ont besoin qu'on leur redonne un peu d'espoir, etc. Et ça, plus le fait que, étant donné que c'est une guerre galactique, les gars ont utilisé des armes avec des effets qui manipulent un peu la réalité, et ils ont besoin d'aller à certains endroits stratégiques pour rétablir le tissu de l'espace-temps, en gros, qui est en train de se foutre en l'air. Enfin, c'est un peu très compliqué, mais... C'est les Green Lanterns, quoi. Voilà, et le truc, c'est que c'est... Alors, Green Lantern, c'est plus Nova, pour le coup. C'est genre, ce serait un peu le dernier Green Lantern, puisque tout le reste de son corps s'est fait massacrer. Mais les gardiens, c'est typiquement le groupe de gars qui n'ont aucun super pouvoir particulièrement puissant. Ils décident ensemble de former une équipe pour essayer de réparer un peu l'univers, parce que personne n'a l'air motivé pour le faire, en gros. Après, ils interagissent... tu vois, c'est les gens... Genre qui sont là parce que allez, il faut faire un crossover. Il y a Nova. Hein, allez, on met les gardiens là. Genre dans Civil War 2, ils font ça. Genre ils arrivent, ils ont 3 cases. Hein. Vas-y, on sait pas qui mettre. Bon, allez, on met les gardiens là. Il y a très peu d'interactions en fait après. Ouais, là il les pousse vraiment. Il y avait pas une histoire où Iron Man justement il va ouais, alors, les gardiens, justement, qui était bien chiant d'ailleurs. C'est là justement que le traitement entre la version 2008 et la version de maintenant est très différente. C'est que la version 2008 c'était un comics qui était sorti. La majorité des gens n'avaient strictement rien à foutre dans le monde des lecteurs de comics. C'était un comics qui est passé un peu sous la porte. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment fait attention et le peu qu'il a lu ont kiffé leur race. Et du coup, ces gardiens-là, ils avaient très peu d'activité par rapport à la Terre. Ils ont rencontré peut-être un gars qui venait de la Terre et le reste du temps, ils étaient vraiment dans l'espace, à avoir des aventures dans l'espace, à gérer les problèmes politiques, etc. de la galaxie dans laquelle ils étaient. Par contre, le comic de maintenant, étant donné qu'il y a le film qui est sorti, et c'est un peu le défaut que je reproche beaucoup à Marvel, c'est que quand t'as un film qui sort, ils poussent leurs personnages un peu partout. Et là, il y a eu une image qui était sortie l'année dernière, je crois, où tu voyais sur l'image de promotion, tu avais Rocket parce qu'il y avait Guardian 2 qui sortait, tu avais Old Man Logan parce que tu avais Logan qui sortait, tu avais Captain America parce qu'ils avaient le prochain Captain America. Enfin, que des personnages dont des films allaient apparaître, en gros. Et les Gardiens de la Galaxie, la nouvelle version, c'est un peu ça, c'est genre ils les ont beaucoup trop accrochés à la Terre pour pouvoir dire, regardez, ils font un crossover avec Iron Man qui est parti vivre avec eux dans l'espace pendant quelques temps, et ils les font apparaître, comme il disait tout à l'heure, j'ai oublié comment tu t'appelles, désolé. Comme disait Maxime, ils les font apparaître pendant 2 cases ou une page dans un crossover ou dans un event, juste pour pouvoir dire, regardez, les gardiens qui sont là, comme dans le film. Sauf que forcément, ça rend pas nécessairement service à leur histoire. Il y a un truc qui est très très symptomatique de ça, c'est que en fait, Star-Lord, il est pas terrien en fait. Il vient même pas de la fin. Si, il est moitié terrien, moitié quelque chose. Ouais, mais il n'interagit pas du tout avec la Terre. Dans la version de Bendis, au début, tu revois toutes ces choses. Oui, mais ça, c'est la version de Bendis. Chez Dan Abnett et Andy Lanning, est-ce qu'il est terrien? Alors, oui, son origine est un peu étrange, elle change plus ou moins, mais les bases qui sont systématiques, c'est qu'il est né sur la Terre, d'une mère humaine. Et il apprend plus tard que sa mère se fait massacrer par des extraterrestres, contrairement à la mort du cancer dans les films. Sa mère se fait tuer par des extraterrestres, généralement c'est la race des Badoun. Et ensuite il rejoint un programme spatial quand il devient plus grand. Et le truc c'est que le Star-Lord d'origine, il est extrêmement aigri et agressif. Et il y a un gars, une espèce de Merlin l'enchanteur de l'espace qui débarque au milieu des astronautes, qui sont tous en entraînement, et qui leur dit « je vais en choisir un parmi vous pour devenir le Star-Lord ». C'est-à-dire mon sort de shérif de l'espace qui va vous voyager pour rétablir la justice un peu partout. Ouais, c'est voilà, c'est n'importe quoi. Du coup, ça, ce que tu racontes, c'est changé dans Only Only Friends. Ouais, voilà, ils le changent périodiquement en fait. En fait, dans Only Only Friends, ils volent un vaisseau. Genre, il est toujours dans le programme de l'espace. Ouais. Ils volent un vaisseau, il se barre et il est recueilli par Yondu. Là, tu vois, ils l'ont modifié pour le faire ressembler au film. Ouais, mais c'est pas censé être un prince héritier Spartan. C'est le prince héritier, c'est le fils du roi de Spartax. Et je l'ai très peu vu ce gars, mais j'ai l'impression que c'est un gros connard de toute façon. Et dans la version 2008 des Gardiens de la Galaxie, on en parle très peu. Et c'est encore un truc que les nouveaux comics ont modifié. Ils ont fait de Peter un espèce de gamin un peu ingrat, légèrement, j'ai envie de dire. Le genre qui a l'air d'avoir des soucis avec son père et qui fait un peu une crise d'adolescence. Alors que la version 2008, c'était un guerrier aguerri qui a vraiment combattu pendant des années. Il est légèrement cynique sur les bords. Et surtout, il a tué des gens sur une lune en essayant de sauver la planète qu'il y avait à côté. C'était un peu un genre de situation où tu dois faire un choix. Ouais. Et il est porté par ça, en fait. Mais ils vont changer le truc pour que c'est les mêmes origines. Oui, ah non, mais voilà, coup, donc, les Gardiens de la Galaxie en comics, depuis la sortie du film, ça a un peu souffert niveau cohérence et par rapport au matériau d'origine. En gros, imaginez regarder une série télé et tout d'un coup, parce qu'ils ont fait un film qui n'a rien à voir et qui est bien et qui a du succès, ils décident de modifier le contenu de la série télé qui n'est pas finie. Et du coup, tous vos personnages changent de comportement, changent d'origine et on vous dit en gros, toutes les 5 saisons que tu as maté avant, tu les annules et tu repars de zéro en gros. C'est un peu comme Prison Break en fait. Je vous aurais pas dire, j'ai pas regardé la série. Bon, on va vite changer de sujet. Oui, on va revenir sur le film et du coup, on va aller un peu plus loin. Donc, on a tous dit ce qu'on en avait pensé vite fait. Ouais. Tout le monde. Non, je crois que je l'ai pas dit. Bon, moi, vous l'aurez compris. Contrairement à Johnny, je suis pas tant fan de l'univers. Enfin, j'en ai peu lu en fait. Enfin, comme je suis plus d'ici moi, sinon. J'en ai lu un peu, je crois que j'ai lu Annihilation Conquest que Faye avait acheté et j'ai lu un bout du run de Piketty et c'est tout. Donc je connais pas du tout l'univers de Cosmic Marvel. Pas, hein, c'est très spé comme truc en fait. Ouais, moi je suis plus univers mais cosmique c'est marrant, je préfère Cosmic moi Marvel que les histoires de super-héros et tout ça. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Le côté SF me botte. On dirait Star Wars en plus. Mais c'est ça. On dirait Star Wars. Bon, on va rester sur le film, on va sortir le On n'avait pas encore parlé de Star Wars. Donc elle en avait mis apparemment il y a un gros problème. On va partir sur le scénario. Ouais. Donc qu'est-ce que vous avez pensé du scénario? Sans spoiler. Qui a envie de parler? Non, il a pas envie de Maxime. Pardon, on fait la rotation des micros. Ouais. Du coup, pour moi, le scénario, c'est le point faible. Parce que vraiment, ça apparaît vraiment... c'est un peu bricolé. Les péripéties arrivent vraiment à la fin. Le point de rupture, si on le balance vite fait, ça y est, il va être méchant. Un tel va être méchant, pour pas spoiler. Mais, je lui pardonne, parce que, pour moi, c'est une trilogie. James Gunn a dit qu'il verrait une trilogie. Et pour moi, c'est genre, comme la respiration, tu vois, avoir vraiment le... La grosse guerre, c'est un peu tu vois, l'enfant, c'est un peu la tête des clones, tu vois, un peu consanguin, que t'aimes pas trop. Mais avant la revanche des Sith, qui est finalement pas trop mal, tu vois, que t'aimes bien. Je n'ai pas d'accord, bien sûr. Alors déjà, la revanche des Sith, si oh tu là parles là. Du roman, oui, mais pas du film. Faut pas utiliser Star mais, Wars. Mais pourquoi tu, la lances sur Star Wars? T'es un fou, toi. Non, moi, je m'en mords les doigts, tu vois. Pour moi, le scénario, c'est un gros point fort avec tout le reste. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'on se concentre sur les personnages. Qu'on les travaille un peu plus, qu'on les découvre un peu plus. Et quand on est fan de l'univers, bah on est bien content d'être là-dedans. On est dans un truc acidulé. Il y a de l'humour, il y a de l'aventure, il y a de tout. Et moi, je me suis régalée. J'avais envie de rester dedans et de pas partir. Moi, je suis même avec Gaffey. Hein. Vraiment, j'ai eu l'impression. Là, c'est vraiment sans spoiler. Après, j'ai des pinaillages à faire, mais on en parlera tout à l'heure. Moi, j'ai eu l'impression de sortir du premier, en fait, et de retourner exactement avec le même univers. C'est ça qui était cool. Après, ça se passe 4 mois après le premier. Ouais. On a l'impression que c'est plus simple, ils sont vraiment potes. Ça alors se passe que... en 2014, et on y reviendra tout à l'heure parce que j'ai un pinage pour le dans le premier, ils sont moins familiers que ça. T'as vraiment l'impression que ça fait un an ou deux qu'ils sont ensemble. Toute la relation, comment il s'appelle Drax, ouais. Drax et tout le reste. Drax est super amical avec tout le monde, alors qu'il l'était. Quoi, je sais pas en fait. Ouais, c'est Drax. Ah, c'est Drax quoi, faut pas se poser de questions. T'as vu enfin bon, moi j'ai vraiment kiffé le scénario. Raphaël ou quelqu'un a envie de... Vincent, il a pris des notes pour... Ben moi le scénario, en fait tu vois quand tu dis on va pas spoiler, le premier truc que je me dis c'est mais qu'est-ce qu'il y a spoiler en fait. Genre ben, la prémisse quand tu sais, parce qu'ils ont donné les infos pendant la campagne de pub au final. Ça dans le trailer voilà. On sait que Kurt Russell c'est le père de Peter Quill. Donc, voilà. Et ça c'est à la limite. Tu sais truc. Qu'ils font un antagoniste que t'as quelque voilà. part. De toute façon il y a eu trop de bandes annonces, trop de trucs comme ça, donc tu sais déjà la moitié du truc en y allant, donc ça sert à rien. Ouais, non, pour moi c'était déjà l'histoire un peu cousue de fil blanc et j'ai trouvé que c'est bizarre à dire, j'ai trouvé qu'il y avait un manque d'enjeu et c'est étonnant de dire ça étant donné que le méchant ultime c'est quand même ouais bon mais ça je trouve qu'il y a pas grand chose à spoiler en fait. Je trouve qu'il y a pas d'ampleur en fait, c'est ça qui te pose problème. Que en fait c'était un épisode lambda des Gardiens de la Galaxie de l'univers fictionnel Marvel et que voilà il y a Kurt Russell qui vient chercher l'équipe des Gardiens, c'est lui qui les amène quelque part et évidemment il fallait un méchant donc manque de protagoniste, forcément le méchant c'est qui, ben c'est la personne dont on peut pas dire le nom tout de suite, Voldemort. Et voilà ils battent ce méchant là ou pas, enfin, mais bon, évidemment ils le battent quoi. On peut pas dire. Je t'entends parler des Gardiens, je me dis mais putain, mais il y a des séries où ça va être horrible, tu vas spoiler direct, vraiment, c'est pas grave. Raphaël, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, on a l'impression que c'est pas vraiment les Gardiens de la Galaxie dans le film, mais plutôt les Gardiens d'eux-mêmes, les Watchmen un peu. Non, parce que j'ai l'impression qu'ils se protègent que eux et protègent pas l'univers, dans le sens où il n'y a pas de menace pour l'univers, on le comprend très loin dans le film. Tu le vois de suite, qu'il y a des, qu'il le dit dès que tu vois qu'il y a un méchant, tu comprends qu'il y a une menace. Enfin, il le oui, dit. Oui, mais par exemple, pour faire continuer le parallèle que Faye a fait avec Star Wars, c'est toi qui as commencé. Faut pas, mais je vais continuer. Donc tu peux y aller. Non, c'est Maxime qui en parle. Pour montrer une menace, il montre une planète qui explose. Là, dans le film, pas du tout. On n'a pas de menace galactique. Alors moi, j'ai un problème avec cet argument, mais vraiment un gros problème. C'est parce que sur d'autres trucs où il y a des grosses ampleurs de, enfin, je sais plus, genre sur un film solo, genre Iron Man 3, prenons par exemple, on se dit mais il y a trop d'ampleur, il y a toute une ville qui va exploser. Pourquoi il y a pas Captain America qui vient les voir, nanana. Et là, il y a moins d'ampleur et vous êtes en train de râler. Il y a pas assez d'ampleur. Pour prendre un exemple de la concurrence plutôt, Man of Steel, tu vois, c'est exact. Moi, je trouve, t'as absolument raison sur ça, tu vois. Ça me coûte de le dire, mais t'as absolument raison sur j'ai ça. J'ai toujours raison. Oui, et les gens râlent qu'il n'y a pas d'interaction quand il y a des trucs de trop grosse ampleur et qu'on comprend pas pourquoi les héros n'arrivent pas. Là, il y a une raison, c'est que c'est les Gardiens de la Galaxie, ils sont pas sur la même planète. Ouais. Tu vois, je suis Iron Man. Pour l'enjeu, je veux dire, en ce film-là, pour moi, j'ai compris que finalement, le véritable ennemi, c'est pas une grosse puissance, c'est eux-mêmes en fait. Ils sont ennemis, c'est-à-dire que déjà, il faut qu'ils apprennent à se connaître, ils sont ennemis de leurs défauts et finalement, s'affronter soi-même. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, voir ses problèmes en face, voir l'interaction avec les autres. Et finalement, c'est peut-être plus intéressant que d'avoir un gros méchant type cartoonesque, comme on a pu voir dans, Docteur Strange, le dernier exemple, où le méchant n'était pas du tout exploité, il y avait une menace nada, quoi. Il était là pour faire des trucs, il n'était pas un personnage. Et je trouve ça, après, on en parlera mieux quand on arrivera à la version spoiler, mais... Là, pour une fois, le méchant, il a des vraies raisons, enfin, il a des vraies raisons de faire, enfin, des vraies raisons, entre guillemets, il est un peu mieux exploité. D'habitude, on râle qu'il n'y a pas de méchant, là, il y en a un, et il y a de l'ampleur, et les gens, enfin... Ouais. Du coup, tu vois, enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, moi je trouve que c'est pas un méchant. Enfin, j'arrive pas à me dire putain, c'est un bâtard. Moi si. Je peux pas spoiler. Sur un point, je dis ouais, putain, mais sur un autre point, voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Je peux pas spoiler, mais bon, comment dire, quand on part déjà en voyant le film, si on sait un peu de qui sont les personnages dedans, on sait plus ou moins comment ça va aller. Parce qu'en gros, mon opinion sur le scénar, c'est que on dirait un peu un dessin animé un dessin animé de super-héros façon Justice League. Dans le sens où on dirait un épisode de cartoon. Mais un épisode de cartoon. Non, c'est pas dérangeant, laisse-moi finir. C'est dans le sens où c'est un bon épisode de cartoon. C'est-à-dire que t'as pas des enjeux énormes non plus. Mais c'est une bonne aventure sympathique que tu vas regarder. C'est le genre de truc que tu verrais en un espèce de genre double épisode. Et tu te vas tous les samedis matins pour mater ton truc. Et le truc, c'est que j'ai trouvé ça bien structuré, etc. Sans être nécessairement très original. Tu sais où ça va, tu sais, etc. Et le truc, c'est que c'est dans les petits détails. Et justement, pour revenir au méchant, tu disais que tu ne trouvais pas très méchant. J'y suis allé en me disant, bon, je sais déjà qui sera le méchant, je sais déjà plus ou moins ce qu'il va faire, j'attends de voir son plan, machin. Et c'est dans les petits détails, les petits trucs qu'il dit, dont une scène en particulier vers la fin qui fait exploser Peter, où je me suis dit, ok, tu es un sacrifice de pute. On a raison. Et ça suffit, c'est une attaque personnelle en fait, on va dire. Et pour toi qui as vu Peter grandir, etc., si tu es un peu empathique, tu vas comprendre à quel point ce mec est un énorme salopard. J'ai une question, tu connaissais le perso de base? Parce que c'est un perso random de chez Thor en fait. Ah oui, mais t'es fan de Thor en même temps. Ouais, mais je sais par exemple, Maxime, il a jamais dû lire de trucs avec Hugo. J'ai découvert par Nova. Et dans la BD, il a servi de QG au nouveau corps des Nova. Et même dans la BD, il est un peu différent, c'est une espèce de lune violette en gros, donc il n'y a pas toutes les fleurs et machin qu'on voit dans le film. Et c'était plus une grosse planète avec un énorme. C'est une planète avec un visage, on est d'accord. Ouais, il est extrêmement caractériel, il était très différent de la version qu'on a là. Et je trouve même qu'il marche mieux, il a plus de personnalité qu'en tout cas la version que j'ai vue. Mm. Après, je sais pas, dans d'autres BD, peut-être qu'il est plus intéressant, mais dans celle-là, c'était. Sans dire un. Ouais, je suis d'accord, je l'ai trouvé vraiment. J'avais un peu peur sur ce point-là. Et j'ai trouvé vraiment que ça en était bien sorti. Et par contre, pour rebondir sur l'aspect cartoon, moi, ça m'a plus fait penser à un épisode de Dragon Ball. Mais tu vois, plus les OAV, les trucs comme ça, les films, où tu vois, ils font leur petite aventure, puis il se passe un truc et tout, et t'as l'humour, t'as le ratio combat, enfin, t'as plein de choses. La vraie force du scénar, à mon avis, c'est que, bon, comme j'ai dit, la structure, elle est extrêmement convenue, on va dire. Et donc on voit certains trucs, certains éléments arriver, il y a un peu les mêmes éléments, de ce qu'on appelle des tropes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des éléments du scénar que tu sais qui vont arriver. J'en parlerai plus en spoiler pour le coup, mais comment dire, à un moment les deux équipes, enfin les personnages se divisent en deux équipes, on va dire. Ouais. Et j'ai largement plus préféré la partie Yondu Rocket. Tu veux en voir beaucoup plus de Yondu et Rocket. Donc je rentre pas dans les spoils ou tout ça. Mais... Et juste pour finir, finalement, c'est pas l'endroit où on aboutit qui est important, c'est le voyage qu'on fait dans le film. Voilà. C'est vraiment ça. Et c'est ça, parce que c'est pas. Je veux dire, tu vois, c'est comme un scénario qui aurait été fait par Marlène, mais en meilleur, tu vois. Il y a une citation comme ça dans un épisode de One Tree Hill. Ah, vas-y. T'as vu, on a placé One Tree Hill et Marlène, c'est bon. Non mais vraiment, c'est l'arc des personnages, en particulier de Rocket, qui est intéressant. C'est ça. Moi je voulais revenir sur ce que tu as dit, Fess, c'est que... c'était quoi déjà ? Finalement les ennemis du film, ce sont les gardiens, qui donc leur relation, leur discorde en fait entre eux. Mais cette histoire-là, ça aurait pas dû être réglée avec le premier film en fait, genre... Mais ils se connaissaient pas trop. Ils ont quand même eu un film pour faire connaissance. Dans le premier film, ils font connaissance, ils commencent à souder. Mais là tu vois, ça fait 4 mois comme on a dit qu'ils sont ensemble. Ah là, quand ça fait que 4 mois, hein. Il y a une ellipse de 4 mois. Quand tu vis avec quelqu'un au début, t'as une période où c'est genre c'est génial et t'as une période où tu te tapes un peu sur le crâne avant d'arriver à trouver ton chemin. Et tous ils ont des problèmes perso en fait. Donc ils ont leur bagage plus le fait de côtoyer autrui, ça amène toujours des soucis quoi. Ouais. Sans dire que tu vois, enfin genre pour en parler, genre le premier film, tu le situes sur combien de en durée, en cours, sur combien de temps ? 2 jours ? Ouais. Sur combien de jours, tu vois, sur 2 jours ? Je pense que c'est quelques jours. Genre, est-ce qu'en 2 jours, tu penses que tu serais toujours aussi ami avec James ? Oh non, mais ouais, si après James, deux... Surtout si tu vis dans 4 heures, t'es pote pour la vie, je pense. Ouais, ouais, voilà, du coup, tu vois, après, peut-être que, enfin, moi, je rejoins un fail là-dessus, tu vois, genre, je me dis, en 2 jours, bah, t'as un job à faire, genre, tu le fais, et peu importe si le mec à côté, c'est un douchebag, c'est un douchebag, hein, tu fais ton job et tu t'en laves les mains. Après, tu vois, si tu dois bosser avec lui pendant 4 mois, bah, t'essayes de le connaître, enfin... Ça commence à clasher, tu vois. C'est l'un des enjeux d'ailleurs au début. Bon, je dirais pas lequel, mais il y a. Tous ces personnages sont un peu des bâtards les uns avec les autres. Ça a toujours été le cas. Et au début, c'était un peu marrant parce que voilà, les gars venaient tout juste de se rencontrer. Ils disaient, ouais, on est un peu tous des connards, mais c'est pas grave. Là, ils atteignent le stade où ils se disent, ok, tu commences sérieusement à me faire chier. En fait, ils passent de statut de pote, où ils sont juste amis. Enfin, ils se connaissent à peine, donc ils sont potes. Ah voilà, à une vraie équipe. Et en fait, c'est là qu'on voit, c'est toute la force du film, je trouve. C'est dans ce film-là qu'on voit vraiment que les gardiens deviennent une vraie équipe. Et c'est en ça que je trouve le film vraiment fort. Il y a des relations, moi, je trouve qu'elles sont pas crédibles du tout. Mm-hmm. Le sidekick du méchant, on va dire, je trouve qu'elle est un peu là juste pour une excuse de scénario. Ils se sont dit, bon, un mec super puissant, comment on va faire pour un peu le faire battre de l'aile. Ils ont mis ce sidekick là. Aussi la relation entre les deux sœurs. Je trouve qu'elle a une finalité qui vient comme ça en fin de film, qui est pas du tout justifiée. Ça a été teasé dans l'autre scène déjà. C'est teasé, mais ça se conclut sur quelque chose. En un instant, tu me disais que c'était une trilogie. Moi, je pense que cette relation pouvait être parcourue pendant toute la trilogie et pas finie dans le 2, puisque je pense que pour moi, elle est pas finie. Tu vois, à mon avis, c'est elle qui. Tu vois, du coup, tu à mon avis, c'est elle qui enclenche le truc avec Thanos. Parce qu'elle va aller, elle va aller faire chier Thanos. Et c'est ça qui va en. Comment tu spoil? Mais du coup, tu vois, tu parles de Mantis pour pas la nommer. Et moi, je trouve que c'est pas un sidekick. Je trouve que tu vois, genre, elle est là. On peut, c'est un peu un électron libre. Oui, et puis, genre, elle est là. Elle capitalise sur les. Sur les gardiens, et genre, tu vois, à la fin, c'est une gardien de la galaxie, tu vois. Et puis, elle a une utilité même au niveau de. Oui, mais de je l'ego. La. Je comprends. Oui, mais non, je non, comprends. Non, pas dans le scénario, je veux dire en termes de thématique. C'est-à-dire que la raison pour laquelle elle est là, au-delà de la facilité scénaristique de on a un personnage avec tel pouvoir, c'est que quand elle arrive, comment dire, la mise en scène de l'arrivée de Ego, c'est très jovial. Mais c'est et elle est là. En fait, tous les éléments qui te mettent en place. Au vous début, voulez pas qu'on a direct au spoiler parce qu'en fait, on peut pas s'en empêcher. Pas qu'on finisse la partie sans spoiler avant de. Et après, on en parlera vraiment en mode. Non, juste. Je sais pas si c'est un spoiler, mais c'est le pouvoir de. De Mantis, oui, on le voit dans le. On voit dans l'abandon. Donc tu peux dire. Le pouvoir de ce sidekick, je trouve que c'est. De Mantis. Du coup, Mantis, tu peux dire. Ça explique tout le problème du film, c'est que c'est un peu mal écrit. T'as l'impression qu'il faut un personnage qui puisse lire. Dans les sentiments. Après, des c'est gens. Un vrai personnage, elle a ce pouvoir-là dans les comics. Oui, mais peut-être, peut-être qu'elle a ce pouvoir. C'est peut-être un défaut des comics aussi. Sans, voilà. C'est que tu te rends compte que le scénario est trop faible pour montrer les sentiments des personnages d'une autre manière qu'avec ce personnage-là. Il l'utilise qu'une fois. Bah, franchement, la relation, par exemple, avec. Drax. Non. Star-Lord. Star-Lord et Gamora. Ça, on s'en doute depuis le premier. Oui, ça, mais. C'est le sexe entre les deux. Enfin, je sais pas, c'est assez lourd, je trouve, dans l'écriture. Bah, on parlait de lourdeur, et c'est une belle transition, merci Raphaël. On va parler de l'humour, parce que c'est quelque chose c'est quelque chose qui a fait chier Vincent. Je sais parce qu'on en a parlé un peu. Ça t'a fait un peu chier, Juni. Je le montre du doigt, du coup, en audio, ça marche absolument pas. Je sais pas si Maxime, toi, on va faire un petit tour de table. Est-ce que l'humour, ça vous a gêné? Moi, je sais que moi et Faye, on a un peu le même avis là-dessus. Ça a totalement marché sur moi. Je suis totalement client de. Même la blague, à un moment, il y a une blague. C'est pas du spoil, il y a une blague un peu pipi-caca. Juni m'avait dit oui, non, mais les blagues pipi-caca, c'est les enfants de 5 ans qui rigolent de ça. Moi, ça m'a fait rire. Moi, ça m'a. Enfin, non, pas rire. Ça m'a fait. Ça m'a fait. À Drax, ouais. Moi, ça m'a fait sourire. Ça t'a fait rire. Moi, ça m'a fait sourire. Ça m'a pas fait rire, mais ça m'a fait sourire. Donc voilà, comment vous avez trouvé l'humour? Après, on va passer sur la réal et après, on partira dans la partie spoiler. Alors, à mon avis, c'est pas un souci de blague. Tu m'as dit pipi caca, il y en a et ça marche très bien dans certains films. Là, c'est plutôt un problème de rythme. C'est la vanne arrive pas au bon moment, je trouve. Elle arrive trop tôt, il n'y a pas assez d'attente. Et du coup, direct, t'as la vanne et t'es déçu parce que tu te dis ils auraient pu continuer. Et le reste de l'humour, comment t'as. Le reste de l'humour, bon, j'ai ri à certains moments. Enfin, faut pas dire non plus que c'est une mauvaise comédie. C'est d'ailleurs une comédie avant d'un. Je trouve que c'est un film de science-fiction en deuxième catégorie, mais c'est un film. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est une comédie d'abord et un film d'action après. Ouais, non, mais voilà, c'est. Du coup, j'ai l'impression qu'ils écrivent les vannes avant et puis après, ils écrivent l'histoire. c'est pour ça que j'ai. Senti quelques problèmes d'écriture. Après, dans le rythme, je trouve que ça arrive trop tôt et que c'est pas assez bien écrit. Après, je sais pas si James Gunn, c'est lui qui a fait qui écrivait les vannes. C'est peut-être là aussi, il aurait peut-être pu demander à quelqu'un d'autre ou quoi. Peut-être. Mais moi, il y a un truc. Alors, bon, j'ai aimé l'humour parce que c'est mon style d'humour. Voilà, je suis comme ça. Mais par contre, il y a certaines blagues. Je me suis demandé si en fait, à un moment, on lui aurait pas dit genre, mon gars, il manque une blague là, fais-nous en une quoi. Donc il a fait comme il a pu. Bon, voilà, il y a des sympas et tout. Mais c'est vrai que dans le côté un peu pinaillage dont je voulais parler, il y a une ou deux blagues. Je m'en suis aperçu surtout à la deuxième fois où je l'ai vu, où je me dis. Peut-être il aurait pu les placer en autre endroit ou peut-être pas la mettre. Mais j'avais l'impression que c'est peut-être quelque chose qu'on lui dit de rajouter. Après, moi, ça fonctionne sur moi parce que j'ai ce style d'humour. Mais la façon, en termes de rythme, ça, tu sens quand même que c'est pas le bon endroit. Oui, j'ai quelque chose que tu as entendu sur ça. On n'a pas discuté en privé. Donc j'aimerais bien savoir ton avis sur l'humour du film. Mais du coup, peut-être. Enfin, je t'avais parlé que j'avais beaucoup aimé le premier parce que je l'avais vu dans d'excellentes conditions. Ouais. Pour l'année 2, je l'avais vu en VO à l'avant-première ou comédie, où la salle, mais elle se tapait le cul par terre en mode c'était trop bien, amazing, wow. Et le 2, en IMAX au multiplex, ça a été la même chose. Et genre, pour moi, ça rythme le film et ça le fait avancer. Genre, on fait une blague, bim, il y a une péripétie, bim, une blague, bim. Enfin, moi, je trouve que, au contraire, ça sert vachement à rythmer. Et il y a des moments où, tu vois, où genre, ça pourrait tomber un peu dans le pathos. Mais non, bim, allez, on rebondit avec une blague, on avance. Bah, chaque scène un peu dramatique, elle est, c'était dans le premier, c'était la même chose. Je trouve que c'est vraiment intelligent de faire ça. Chaque scène dramatique, au final, elle est cassée par une blague et je trouve qu'elle tombe là, ça tombe très juste. Par contre, tu vois, c'est là que je vais faire un point VF. On l'a pas vu en VO. Parce que du coup, on n'a pas pu le voir encore en VO, on va retourner le voir en VO. Parce que ça me fait bien, excusez-moi, je vais dire un gros mot. Ouais, à mon avis, il y a beaucoup de trucs qu'on m'a laissé. Déjà, dans le premier, il y avait beaucoup d'erreurs au niveau des références. Ouais. La VF, pas terrible sur les blagues. Et puis, il y a certains doubleurs, j'aime pas. Voilà. On repart sur le. Qui l'a vu en VO ici, à part Maxime? Moi. Vous êtes deux. Moi, le jeu s'appelle Groot. Franchement. Je trouve ça. Mais je te dis, c'est parce que dans le premier, l'autre il est arrivé, il a fait son doublage de Vin Diesel. Comme ça, c'est un peu le. C'est la légende urbaine de Vin Diesel qui sait pas dire. Tu as vu Vin Diesel, excuse-moi, c'est facile de la croire, celle-là. Hein. Ouais, Raphaël, tu veux dire. Demande à The Rock, il te le dira. Oui, c'est pour retourner sur les vannes. Je serais curieux de savoir quelle est la plus réussie selon vous, en fait, dans le film, celle qui vous a fait le plus réagir. Alors, dans mon cas, c'est pas une vanne. En fait. Je vais essayer de rester flou en gros, mais c'est une scène vers le début quand ils sont coursés par toute l'armada là. J'ai trouvé la mise en scène du truc et le concept de comment ils pilotent leur vaisseau extrêmement intelligent, parce que c'était en rapport avec leur idée de nostalgie, etc. Et même la manière dont ils ont mis les personnages en scène, j'ai trouvé ça extrêmement intelligent en fait. Déjà c'était surprenant, c'était original et ça cassait un peu, parce que mon gros souci avec l'humour, c'est que j'ai trouvé les 30 premières minutes très longues. Parce que il y avait un peu de mise en place, mais ça c'était pas grave. C'était surtout en fait, l'analogie que j'aime bien, c'est avoir un petit garçon de 5 ans en face de toi qui te raconte une blague, et au moment où t'es censé rire, tu rigoles pas, parce que c'est pas drôle, et au lieu d'arrêter, il t'en fait encore une autre, et il essaie d'allonger, de tirer de plus en plus sur sa blague, parce qu'il veut absolument que tu rigoles, et ça m'a fait un peu ça, s'il y avait des scènes de dispute entre les différents personnages, où je me disais... Tu sentais vraiment le gars qui essayait d'écrire un truc pour te faire rigoler, sauf que c'est pas drôle, et du coup, ça te fait rien, et t'attends que ça finisse, et ça finit pas. Ouais, ça m'a fait cet effet-là, notamment avec la blague sur Taserface, où j'ai eu cet effet... Vous savez, ça m'a fait rire. Alors, je pense qu'elle va marcher. Non, elle doit pas mieux marcher. Non, elle est longue. Ça m'a fait penser à ces sketchs des Simpsons, ceux qui durent 1000 ans, qui se terminent jamais, et ça répète la même blague à l'infini jusqu'à ce qu'à un moment, tu rigoles. Parce ça te fait, c'est quoi le mot en français déjà? Ça te fait... T'as un petit rictus, tu vois. Ça te et fait sourire, coup, quoi. Pour le coup, la blague revient un peu plus tard, et là, pour le coup, je me suis dit, bon, ça valait la peine, parce que là, c'était drôle. Ouais, à la toute fin, c'est drôle. Voilà. Mais putain, pendant les 3 heures, tu les bouffes avant. Est-ce qu'ils l'ont pas fait exprès pour te préparer à la deuxième blague? Disons qu'il y a ce concept, quand tu fais une histoire, d'essayer de ramener des éléments systématiquement pour que le spectateur sache. Voilà, pour que le spectateur sache qu'il faut y faire attention. Et là, effectivement, c'était un peu long, on va dire. T'atteins le stade où tu dis, ok, c'est bon, j'ai compris. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Mais en plus, même en soi, c'est Taserface, c'est pas un nom trop pourri, quoi, je trouve. Enfin, c'est pourri. Non, ça veut rien dire, et ok, c'est naze, mais c'est pas naze d'en rigoler non plus, quoi. Comme ça, mais il fait ça pour l'énerver. Il y a des noms en bande dessinée, chacun, c'est. Je veux dire, il y a des personnages qui s'appellent Captain America et Rocket Raccoon, quoi. Donc, bon, mais de toute façon, en fait, cette blague-là, enfin, en restant fou, dans la première fois qu'on l'entend à ce moment-là, c'est pas fait en fait pour nous faire rire, c'est fait pour faire chier le personnage en question. Oui. Parce que le gars, voilà, se la pète, c'est pour ça qu'il fait durer longtemps et patati patata. C'est pas fait pour nous faire rire, c'est fait justement pour énerver. Donc ça marche dans ce cas-là. Ouais, on va passer sur. À moins que Raphaël, t'avais un truc à dire sur cette blague en particulier. Non, pas cette blague en particulier, c'était une vanne, mais en mon avis, elle est dans la partie spoiler complètement. Ouais. Moi aussi, celle qui m'a bien fait rire, faut en parler en spoiler en fait. Ouais. Vas-y, viens, on fait des spoilers. Celle qui m'a fait beaucoup rire, sans spoiler, mais c'est la dernière, une des dernières paroles de Drax. Je pense que c'était, j'ai trouvé génial. Mais on en parlera en spoiler après. Ouais. On va peut-être parler. On a encore des la réal. On n'a pas parlé de la réal. Vas-y, va dans le spoiler. On va le faire dans la réal. C'était très bien la réal. Puis voilà. De toute façon, je pense qu'on a des trucs à dire, mais qu'il faut qu'on utilise des exemples. Donc, ça sera peut-être plus intéressant pour les gens. Ouais. Ok. On reste sur ta ou. On reste sur ton fil ou on change complètement de. On passe c'est comme tu le sens, mon coco. Parce qu'on n'a pas parlé du tout de la réal, on n'a pas parlé du cast. On va le faire en spoil, quoi. Bah vas-y, passe. Du coup, on va rester sur ce qu'on était, mais on passe en spoiler. Donc, les gens qui n'ont pas vu le film, au revoir. Cassez-vous. À moins que vous avez envie de connaître le film par cœur avant de l'avoir, avant de l'avoir vu. Ce qui. De quoi? Pour apprécier le film, c'est pas un film, tu vois, où le scénario est si important que ça gâche tout le film, quoi, de savoir. Ouais, mais bon, t'en as qui aiment bien pas les voir trois fois déjà. On est qu'à deux fois, je crois. On est qu'à deux fois, on n'a pas encore fait la troisième fois, c'est de la VO. Du coup, on va rester sur. Tu peux donner ma vanne? Ouais, bah vas-y. Attends, fais une annonce spoiler avant. Non, bah annonce spoiler, oui, de toute façon, je vais pas monter, j'ai la flemme de monter. Spoiler, à la prochaine. Écoutez-nous le lundi, tous les lundis à 18h sur Radio Campus Montpellier. Vous nous retrouvez sur Facebook, Instagram, tout ça. Et je vois Vincent qui atterrait par par ma façon dont j'anime, mais ce n'est pas grave. C'est normal, il est habitué à travailler avec quelqu'un qui était vraiment très professionnel. Tu connais pas l'animation podcast, c'est toute une nouvelle façon de faire. Le mardi, il y a toi sur. De quoi le mercredi? On est le vendredi. Ah oui, bah oui, écoutez Cinémascope. Écoutez Cinémascope tous les vendredis. C'est à quelle heure vous? Mercredi, 19h-21h. Voilà. Et la matinale, le mardi. Il avait oublié qu'il était dans la matinale. Moi... Exactement. Non, il croyait qu'on était le mercredi au lieu du vendredi. Ok, c'est pas grave, on s'en fout. Série le vendredi tous les 15 jours. Ah, le vendredi tous les 15 jours, oui, exactement. Bon, allez, partie spoiler, tu peux raconter ta blague. Oui, donc c'était sur le ruban adhésif, je pense que... Ah moi j'ai pas aimé celle-là. Deuxième fois elle m'a un peu saoulé en fait. Moi je l'ai beaucoup aimé tout simplement parce que en fait j'ai compris la référence d'écriture. C'était une référence à la Tarantino parce que Tarantino a tout le temps une scène où en fait ils vont débattre de quelque chose qui a rien à voir avec l'histoire du film ou dans le moment. Et là c'est une scène qui est super longue où ils parlent de ruban adhésif pendant 2 minutes. En plus on spoil même pas mais voilà ils en parlent pendant longtemps et je trouve que cette vanne dure assez longtemps pour être bien rythmé et bien marché parce qu'elle évolue. Il y a aussi un hors-champ sonore qui marche très bien parce qu'il y a l'action à côté comme au début du film. Et vraiment, je trouve que c'est très bien écrit pour ce coup-là. Ouais. Oui, donc c'est lorsque les gardiens quittent la planète des Sovereigns, je sais plus comment ils s'appellent. Les souverains. Et qui se font courser du coup par toute une armada de ce qui se révèle être en fait des drones. Et les drones sont contrôlés par les soldats qui en fait sont restés sur la planète. Voilà, et en fait ils les contrôlent comme dans un jeu d'arcade. Donc ils sont, j'ai envie de dire, allongés comme dans un jeu de moto d'arcade. Ils ont un écran devant eux et genre ils doivent contrôler le truc en bougeant sur les côtés et tirer, ça fait les mêmes bruits. Mmh. Et quand leur drone se fait détruire, ça fait un touloulouloulou. Et du coup, ils ont même poussé. Je me demande si c'est pas des vrais bruits de vrais jeux. C'est un bruit de vieux jeu. De Galaga ou une connerie. Toi qui est la caution de jeu vidéo. Oui, ça peut être Galaga. C'est pas ton truc. Ouais. Ok. Et ils ont poussé la blague même encore plus loin. C'est-à-dire qu'au-delà de la gimmick, ils ont même pensé on va faire en sorte que les soldats se comportent comme des gens dans une salle d'arcade. Ils sont tous poutrés les uns après les autres, puis il n'en reste plus qu'un seul. Et tout le monde se masse autour de lui en lui disant ouais, vas-y, vas-y. Et il se fait défoncer. Et tout le monde lui dit ouais, voilà, fallait pas le faire confiance. C'était génial. C'était pas justement parce que c'était original et ça, comment dire, ça sentait vraiment la personne qui connaît son sujet, on va dire. C'était un gars qui a dû connaître les salles d'arcade et qui s'est fait plaisir, quoi. Moi, ma blague préférée, c'est au moment où Drax dit à Mantis pour la énième fois, pas pour la énième fois, du coup, il lui dit oui, mais toi aussi t'es belle au moment où il y a tous les feux d'artifice et qui lui fait à l'intérieur. Et franchement, cette vanne, je trouve qu'elle est super bien placée. Voilà. Moi, une qui m'a beaucoup vu, mais elle est très conne, mais ça montre une fois le mec qui connaît son sujet. C'est la scène en fait où Star-Lord il joue avec son père avec la boule d'énergie. En fait, parodie de vieilles sitcoms des années 80 et tout. Même la musique elle fait sitcom. Ouais, ça m'a fait super rire et ça m'a rappelé une scène de Scrubs où t'as JD qui se fait un fantasme où il s'amuse avec le Dr. Cox à la balle et tout. Et du coup, j'ai pensé à ça et j'étais mort de rire. Et d'ailleurs, la scène avant aussi, quand il lui apprend à contrôler sa boule d'énergie. C'est exactement une scène de Dragon Ball Z quand t'as Sangohan qui apprend à sa meuf, là, à Videl, comment faire apparaître de l'énergie et tout. C'est exactement pareil, le même style de phrase et tout. Quoi. D'ailleurs, je soupçonne qu'il y a une référence à Gurren Lagann dans ce film. Mais je sais pas si c'est je sais pas si c'était le cas ou pas, mais il y a une scène où Drax dit à Mantis « Ne crois pas en toi, crois en moi qui crois en toi. Et je me suis dit « C'est bizarre parce que ça me fait vachement penser à Gurren Lagann, mais j'étais vraiment pas sûr que ce soit ça. » Ah, on sait jamais, hein. Maxime. Moi, c'est la blague du début où Star-Lord, il est devant Ayesha. Il est en mode, elle lui dit, nous, on se reproduit artificiellement par les machines. Il dit, si tu veux, je peux t'aider the old-fashioned way. Et tout, et là, ok, et tout. Et puis, il crame le regard de Gamora qui va lui péter la gueule. Il fait, non, mais finalement, ça m'intéresse pas. C'est juste de la blague et tout. Moi, c'est celle-là qui m'a fait le marrer. Oui, c'était pour une transition de blague ou pas. C'est, Maxime, t'avais pas la vanne pour le bon exemple, mais je trouvais que les meilleures vannes c'était dans la réalisation, et elles venaient grâce à ça. Comme on l'a dit avec l'effet, donc les bornes d'arcade. Aussi au début, puisque la scène du début, c'est Groot qui enfin bébé Groot qui est en gros plan avec une scène d'action, mais on s'en fout. Elle est géniale cette scène. Elle est géniale cette scène. Voilà, c'est la réalisation, mais c'est une vanne qui dure 3-4 minutes. Mais il est trop mignon. Bébé. Moi j'ai pas rigolé pendant le film, mais effectivement. J'ai pas rigolé, je prenais des notes. Oui, mais non mais. Non, mais laisse dire sa blague. Ouais, non mais ce que dit Johnny sur la blague avec les bandes d'arcane, j'ai trouvé ça. Je crois que c'était celle qui marchait le mieux quand même, celle qui était la plus intéressante parce que pour le coup elle prenait partie d'un concept qui est propre au film. On n'aurait pas pu avoir cette blague dans un autre film par exemple, contrairement à la blague du scotch par exemple. Voilà. Et il y a une blague que j'ai trouvée hyper conne, alors après du coup peut-être que vous prouverez son intérêt, mais c'est celle avec la crête de Yondu. Avec Baby Groot qui va chercher cette crête et il la trouve pas. Oui. Et donc là, pour moi, ce gag, là, cette scène, ça prouve juste que Groot, il est con, qu'il en peut plus. Hein. Bah oui. C'est un bébé. Non mais d'accord, non mais il a le droit d'être con si tu veux. Mais alors, à la fin du film, quand il a la bombe là et qu'on lui dit, on lui explique d'appuyer sur le bouton. Oui. Ouais. J'ai une explication. Elle est tirée par les cheveux, mais j'ai une explication. On a vu qu'il grandissait vite, parce qu'à la fin du film, on voit qu'il est ado. Ouais, bon, donc, là... Il a grandi, son cerveau a grandi entre-temps. C'est comme ton argument de Superman devait tuer les autres pour comprendre qu'il faut pas tuer les gens. T'as non, besoin de tuer quelqu'un pour savoir qu'il faut pas tuer quelqu'un. Moi, j'ai encore plus simple, il a pas fait exprès, il a glissé. On va pas partir sur ce débat-là, mais Superman devient Superman James, une fois qu'il a tué James, les autres. Pour Groot, moi, j'ai encore une autre explication. Vas-y. C'est qu'en fait, c'est un gosse, il est espiègle, donc en fait, il veut faire chier, et en fait, il le fait exprès. Ouais, moi je vois bien un truc comme non, ça. Non, parce que dans la blague avec la crête de Yondu, à un moment, il ouvre enfin le tiroir dont on lui parle depuis 1 an. Et là, donc le mec, tu vois, il fait l'effort de. Il va pas chercher les merdes dont il a envie, tu vois. Il fait l'effort de trouver le tiroir, tu vois. À un moment, il y arrive et il ouvre le tiroir, mais après, il faut trouver la crête encore. Et donc, il cherche la crête, il la trouve pas. Il est vraiment teubé en fait. Bah, en fait, quand il chope le troll, truc. Et... C'est encore plus un gros troll s'il prend un truc qui est à côté. Yondu va mais savoir c'est que surtout c'est qu'il fait un sourire. Donc, si c'est... Attends, c'est surtout qu'en fait, tu vois, là, il a l'écusson, donc il peut pas ne pas se permettre de trouver le bon machin. Mais du coup, quand il prend le truc qui se gourde dedans, il a un petit sourire, genre, hey, tu vois. Moi, je l'ai ressenti comme ouais, ça. Mais genre, Yondu, il sait pas que le machin, il était à côté de la crête. Tu sais exactement quels sont tous les objets dans ton tiroir en ce moment même, leur emplacement exact, les uns par rapport aux autres. Ouais. D'accord. Je vais peut-être vous casser, mais genre, je vous trouve vachement tatillon sur. Il a pas compris qu'il y avait la crête, mais genre, ça vous est jamais arrivé. Enfin, je prends un exemple personnel, genre, ma chérie, elle est très maladroite et elle capte pas. Genre, je lui dis, va prendre ça, c'est un câble qui est rond, qui est vert et tout, et genre, elle va me ramener le orange. C'est un câble HDMI, alors j'ai demandé un câble jack, tu vois. Et c'est pas parce qu'elle est bête ou quoi, mais genre. C'est juste parce que des fois elle comprend pas, tu vois. Enfin, genre où tu t'expliques, peut-être que tu vois, ils ont expliqué mal. Enfin... Non, mais même sans aller dans le truc d'explication, on va rester terre à terre, c'est un film, c'est quelqu'un qui a fait le film. C'est tout simplement que la mise en scène était peut-être pas la plus claire de l'univers, ou voilà. Et à mon sens, en tout cas, c'est juste que ça, c'était juste un gag, il a pas vraiment réfléchi plus loin que ça. Il s'est juste dit, c'est marrant d'avoir le petit bébé Groot qui passe son temps à ramener des trucs différents alors que c'était pas du tout ce qu'on lui a demandé. Il est même allé jusqu'à ramener un doigt coupé, quoi. Ça, c'est excellent, ça. Voilà. Non, mais c'est pour dire, c'était juste un gag, quoi. Il a pas nécessairement cherché plus loin. Et puis après, lorsqu'arrive la scène avec la bombe où il appuie sur le bon bouton, je me suis dit, ok, c'est censé être justement le développement du personnage, on va dire, dans le sens que pour une fois, il a suivi l'instruction correctement. Mais c'est pas nécessairement amené de la manière la plus claire. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu la scène. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est censé être un moment de développement, la fin du développement du personnage. Mais étant donné que c'était pas tellement présenté comme un développement avant, lorsque ça arrive, tu te dis, bon, ok, mais le chemin qui mène jusqu'à là n'est pas nécessairement réalisé de la meilleure manière possible. Bah après, ce personnage-là, il est. Bon, il est. Alors, l'instant mignon, oui, il est trop trop mignon, j'adore, juste pour ça. Il serait moche, peut-être ça marcherait pas le gag, mais c'est aussi tourné pour les gosses. C'est vrai que dans la séance, nous, la première fois qu'on y allait, il y avait des jeunes enfants quand même qui étaient là. Alors pour les gosses, je sais pas, mais pour les fans, en particulier les femmes qui aiment beaucoup les petits machins mignons, ce truc est typiquement là pour ça. Hein. Il est typiquement là pour ça. Et autant Gunn avait dit qu'il l'avait pas introduit dans l'histoire juste pour vendre des jouets, et à un certain sens, je peux le croire parce que c'était pas nécessairement. Il y a une araignée qui tombe du plafond là, en plein milieu. Spider-Man. Spider-Man s'invite dans ce podcast. Exactement. Oui, donc il avait dit qu'il n'avait pas introduit le personnage juste pour vendre des jouets. Mais au final, vu le traitement dans le film, je peux le croire. mais il y a certains petits moments où je me disais bon, tu pousses un petit peu loin. Il est pas insupportable, le personnage, je l'ai pas trouvé insupportable. Mais ouais, Groot, bah après, j'ai mes propres regrets, on va dire, parce que mon Groot, on va dire, il est énorme, il fait environ 10 mètres de haut, il prend Rocket dans sa main droite, et je trouve qu'il pousse un peu, il pousse pas en fait le concept de Groot suffisamment loin, j'ai un peu l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire avec, et du coup ils en ont fait une petite mascotte. Mais surtout dans le premier, le grand Groot super puissant était super sympathique aussi, oui, pas besoin d'en faire un tout petit. Et surtout que bon, on attendait, bon après ça c'est des fans du comics, donc on va dire que c'est un peu notre faute, parce que le reste est de toute façon changé, donc voilà. J'attends un peu mon moment où Groot va devenir, comme je dis dans la BD, c'est-à-dire gigantesque, parce que bah, encore changement, le Groot des BD maintenant a été changé pour le film. Il ressemble beaucoup plus à celui du film, il fait à tout casser 2 mètres de haut. Le Groot d'origine, il fait un bon 10-15 mètres de haut, et comme je dis, il prend Rocket dans sa main droite. La première fois que tu le vois dans les Gardiens de la Galaxie, c'est Star-Lord qui met en place son équipe, et on lui montre Rocket Raccoon en lui disant c'est un spécialiste des armes lourdes. Et Star-Lord qui demande mais c'est un raton laveur, comment il fait pour se déplacer avec une mitrailleuse ou un canon? Et tu le vois dans la main droite de Groot qui le place dans sa main avec la mitrailleuse, les deux tiennent en même temps dans la main, c'est dire s'il est gros. Et tu vois le piraton laveur tout content qui ressemble à Mickey avec une mitrailleuse, c'était super mignon. Peut-être dans le 3, je sais pas. Bah, j'espère, j'attends mon explosion Groot en fait. C'est une ref à Chewbacca ou dans le comics aussi il répond n'importe quoi et tout le monde comprend? Alors au départ, quand il apparaît pour la première fois, il parlait normalement. Il est extrêmement arrogant en disant qu'il était le prince d'une race d'hommes arbres, genre je suis un naine de l'espace et je vous emmerde. Et il se fait poutrer par des missiles et il revient. Alors c'est encore une différence avec le film. Dans les films, quand on récupère une brindille, ça fait, on va dire, entre guillemets, un nouveau Groot qui doit refaire son développement. Là, dans le comics d'origine, quand la brindille se retransforme en Groot, mais sa mémoire et son niveau de maturité sont les mêmes. Du coup, il y a même une scène qui est vachement drôle où t'as un tout petit Groot, genre adulte, mais il fait 15 cm de haut, qui arrive et qui dit « Ouais, je suis toujours un grand prince, vous me devez toujours du respect, et j'ai besoin d'eau pour grandir », et Rocket qui lui crache dessus. Et en fait, le développement du I am Groot, c'est venu un peu après ça. Et je suis pas très sûr que c'était particulièrement clair, parce que moi j'avais trouvé ça un peu étrange, mais en gros l'excuse c'était il avait explosé encore une fois, il est revenu, l'excuse c'était ses cordes vocales sont foutues en l'air et tout ce qu'il peut dire c'est I am Groot. Et de là c'est devenu un peu une blague, genre il est un peu teubé, tout ce qu'il sait dire c'est I am Groot. Et c'est resté comme ça en fait. Mais il y a une cover de, je crois que c'est Piquelli qui fait cette cover, qui est vraiment géniale, où tu vois Groot qui est en face de, je crois que c'est Jean Grey. Et en fait tu le vois dire I am Groot, et pour les gens qui ne le sachent pas, je pense que tout le monde sait que Jean Grey est télépathe. Et en fait on voit la bulle de pensée qui fait toute la case en fait. Ouais. Le I am Groot, ça veut dire ça veut dire tout ce que, enfin ouais, ils ont fait un peu le même gag dans War of Kings. Ils étaient allés voir les Inhumains pour construire une arme ou je sais plus quoi, et il y avait le génie des Inhumains qui le mec le plus intelligent là-bas qui discute en fait avec eux pour essayer de mettre en place leur plan, et il les considère tous comme des imbéciles parce que lui-même étant un peu le Lex Luthor, il se considère comme extrêmement intelligent. Et là il y a Groot qui sort I am Groot, et en fait la discussion finit entre lui et Groot. Et il dit au reste de l'équipe, vous vous rendez pas compte, il est plus intelligent que vous, personne ne l'écoute jamais. Et c'était le gag en fait, finalement, c'était que son I am Groot en fait veut dire tellement de choses et personne ne fait jamais attention parce qu'ils sont tous trop cons pour comprendre. On va partir à la réal pendant que l'araignée est en train de descendre au fur et à mesure. Et c'est Faye qui va commencer parce qu'elle a le micro dans la main. Ah bon, monsieur. Ah bah moi j'ai adoré la réalisation. Je veux dire, le gars il fait des plans, mais les scènes d'action c'est punchy, c'est. Puis t'as des plans qui sont super iconiques, associés à la musique, ça fonctionne. Genre quand ils vont vers le vaisseau d'Ego, là, où il y a ce petit ralenti avec la musique qui est super derrière. Ouais. Là, c'est, je crois que le titre c'est Shane ou un truc comme ça. De Shane, voilà. Edward Mac, tu dis ? D'accord, bref. J'adore ce passage-là, c'est super badass et tout. Puis voilà, au niveau du rythme, au niveau des blagues et tout, ça fonctionne. C'est pour moi un autre gros, gros beau point du film, quoi. Après, on fera un instant Pinaya, je crois que j'ai des choses à dire. Oui, bah, on le fera après. On va faire un petit tour au niveau de la réal. Ah si, il y a un truc qui m'a gêné, mais c'est plus au niveau des effets spéciaux. Ouais. C'est le Kurt Russell numérique qui a beaucoup trop de cheveux et que je trouve flippant en fait. C'est comme dans Rogue One, tu vois, avec son volume de... Non mais je trouve que ces trucs numériques, c'est de plus en plus réaliste et ça me fait peur en fait. Oui, bah, on touche l'Uncanny Valley, hein, comme avec Tarkin où il y a un... comme avec Tarkin, oui, on touche les l'Uncanny Valley. Du coup, c'est une spé Disney parce que c'est dans Rogue One, Gardien. Ouais. À Civil War aussi. Et vous voyez quoi dans Civil War? Robert Downey Jr. Qui est plus jeune. Ah oui, c'est vrai, qui est plus jeune. C'est vrai. Et dans dans Ant-Man, on voit. Au début d'Ant-Man, oui, avec Michael Douglas. Ouais, Michael Douglas, oui. Et dans Pirates des Caraïbes. C'était l'instant Agnès. Bah, du coup, oui, Johnny Depp. C'est le Star Wars, Marvel et. Donc Disney. Ouais, donc Disney. Ok. Disney va nous remplacer par les hologrammes. Oh oui, c'était pas le premier, enfin c'était, c'était oui, le avec, premier ouais. Et c'était horrible. Oui, avec Jeff Bridges. Jeff Bridges, ouais, qui était qui est très horrible, horrible. Et par contre, je voulais te dire, les couleurs aussi, c'est psychédélique, ça fait très années 70-80. Ouais, la photo est vraiment géniale. Mais j'aime ça, c'est toute ma vie. Vincent, qui avait, t'as eu des problèmes avec la réelle ? C'est toi qui es le moins enthousiaste autour du film ? Non, en fait, la réelle m'a pas trop dérangé, elle m'a pas marqué plus que ça non plus. Je me souviens juste de l'introduction avec donc, Baby Groot qui danse. Je trouvais qu'en. Je l'ai pas vu en 2D, j'ai vu qu'une fois en 3D. Et je pense qu'en 3D, ça rendait particulièrement bien d'avoir du coup les gardiens en arrière-plan qui combattaient. Et d'avoir du coup tout net Groot qui danse, ça donne vraiment. Ben, du coup, déjà, c'est un peu la note d'intention du film, j'ai envie de dire. Ça veut dire. Voilà, vous regardez ce film, c'est pour les vannes, c'est pour la musique, c'est pas tant pour l'héroïsme. Et tel que c'était réalisé, je crois que ça rendait particulièrement bien. Après, je sais pas, non, au niveau de la réalisation, il n'y a rien qui m'a plus marqué que ça. Peut-être ça va venir pendant qu'on discutera. Ouais, dans la réa, surtout dans le montage, hein, le montage, il y a un gros travail. Comme j'en parlais tout à l'heure, pour Ant-Man, j'aurais été curieux de voir Edgar Wright parce qu'il aurait fait un peu dans la même lignée que James Gunn. C'est un de mes préférés, je comprends tout à fait ta douleur. Et du coup, ouais, moi, ce que j'ai un peu. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on trouve pas le gigantisme des planètes. Je l'ai peu ressenti. Bon, je voulais pas qu'il fasse non plus un Rogue One non plus. Mais je sais pas, moi je pensais qu'avec un personnage égo qui avait une planète comme ça, on pouvait faire un plus grand. Et je l'ai assez peu ressenti dans le film. C'est pas un space opéra, enfin, tu sens. Tu vois ce genre de truc dans les trucs un peu plus space opéra, Star Wars, Star Trek. Ouais. C'est un space opéra. C'est de la safe. Mais le premier est un space opéra. Le 2, c'est ce que je disais. C'est une respiration dans le space opéra, tu vois. Ouais. C'est t'attendre de trucs plus gros, peut-être de l'Empire Kree, d'aller voir Thanos et tout, tu vois. Cette planète, enfin, dans le 1, il y avait cette planète en forme de crâne. Attends, je sais plus. Oui, il y a Nowhere. Oui, Nowhere. Oui. Qui était super badass. Là, on a peu ça. Au final, on voit. À part les moments où il jump entre les trucs, où on voit trucs, enfin, avec cette scène qui est vraiment très cool d'ailleurs, on voit la planète Ego, on voit la planète où se crash, et on voit un peu de. Il y a Stallone là, c'est laquelle la planète des putes. La planète, ce sera la planète des putes. Pour toujours, la planète des putes. Et la première planète avec les mecs en or, je sais plus comment elle s'appelle. Sovereign, ouais. Voilà, donc moi au final, on en voit pas tant que ça. Après. Ouais, donc réel, on a dit. Je suis un peu comme Vincent, j'ai pas nécessairement vu de trucs que je vais garder en mémoire comme étant des grands moments de réalisation, on va dire. Mais c'était bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le concept de si tu passes trop. En gros, quand tu regardes une scène, si tu trouves le temps de t'intéresser au papier peint, c'est que c'est mal fait. C'est l'impression que j'avais, c'est que j'ai pas eu le temps de m'intéresser au papier peint en fait. J'ai pas eu le temps de m'intéresser à comment les découpages étaient faits ou comment la mise en scène était faite parce que ça marchait tellement bien que j'ai pas eu de moment où je me disais. Où je faisais attention aux détails en fait. Et je pense que justement c'est un peu l'une des qualités du film, c'est bon, c'est pas comme quand je regarde un Scorsese où je vais me dire putain c'est magnifique, c'est génial le placement de caméra, etc. Mais j'étais extrêmement satisfait par la réal. Après, il y avait l'élément dont tu parlais tout à l'heure de la blague avec le papier adhésif, avec le son hors champ, etc. Ça, c'est un moment où je me suis dit, putain, c'est bien fait, c'est sympa. Il y avait le générique en particulier. Le générique, je l'ai vu, je me suis dit, lui, je vais le télécharger, je vais le garder parmi les vidéos que j'aime bien, qui me donnent des idées, parce que j'ai bien aimé la mise en scène du truc. Par contre, oui. Ouais, il y a que moi que ça a choqué que la musique d'intro c'était celle de la pub SFR. Ouais, mais ça c'est une référence qu'on a que en France. Du coup, oui, ça c'est cette idée. Moi, ouais, bah, pour bon, on était, on va, non, on en parlera après. Maxime, t'en as pas parlé encore. Non, je suis à peu près d'accord avec tout le monde. Julie, Faye, toi t'as pas parlé donc non. Bah moi. Mais du coup, juste je voulais dire, ça va super aller vite. Genre, je trouve que ILM, ils ont fait un studio, ils ont enfin un boulot de fou. Genre. Tu regardes Civil War ou même Doctor Strange qui ont, je sais pas, allez, un an ou voire six mois d'écart. Genre, le fond est des fois flou, le fond vert, tu le vois. Alors là, mais c'est propre, mais un truc de fou. En IMAX, c'était le pied. Chapeau à ILM. Un truc. Et ça, c'est un peu à Marvel en général, en fait. Bah, c'est comme on disait avec Faye tout à l'heure, niveau comics, on a une grosse préférence pour ce qui est cosmique, plus que ce qui est terre-à-terre, au sens littéral du terme. Et là, c'est exactement le cas. Et j'y pense autant pour Gardien de la Galaxie, là, le deuxième, que pour le prochain Thor. On dirait qu'ils ont pris du LSD et qu'ils ont littéralement mangé des bouquins de Jack Kirby et de Simonson dans le cas de Thor. Et c'est génial. Et dans le cas de Gardien, ça rend tellement bien que j'étais choqué. Alors, c'est une petite anecdote, je vous ai dit que j'allais en parler. La fameuse tout à l'heure. Parce qu'en fait, je vais bientôt partir dans l'instant. En fait, ce matin, donc, pour aller à la fac, j'ai été pris au stop par une fille très sympa et je lui parlais de ce que je faisais à la radio, tout ça. Et je lui disais, on allait parler donc des Gardiens de la Galaxie, et elle me dit, ah, mon frère a travaillé dessus. Je lui fais, ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, il a fait RTFX, et du coup, maintenant, il est parti dans une boîte d'effets spéciaux en Nouvelle-Zélande, et il a fait du La Weta Je sais plus, elle m'a pas dit. Hein. Il me fout l'adresse de cet homme. Bah, en Nouvelle-Zélande, il y a que la Weta, moi, je vois. Et du coup, ouais, peut-être, enfin, hein, possiblement ça. Et du coup, elle m'a dit, oui, c'est lui qui s'est occupé de modéliser les vaisseaux, et du coup, voilà, il a travaillé dessus et il vient de Montpellier, il a fait RTFX à Montpellier. Voilà. Ah, c'est cool. D'ailleurs, les vaisseaux, je trouve ça cool. J'ai l'impression des fois qu'ils avaient utilisé des maquettes. Genre le. Ok. Au revoir à Raphaël. Attends, on va te laisser quand même 5 minutes pour parler de ton émission. Oui, vite fait. Après, fais un peu de promo quand même. Oui, alors, mercredi 19h, 21h, parle de cinéma sur Radio Campus Montpellier 102.2. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est super intéressant. On débat, on a plusieurs avis différents. On va parler des Gardiens de la Galaxie, donc avec des gens qui n'ont pas du tout aimé. On va voir pourquoi. Du coup, voilà, c'est ouvert à tous. Même d'ailleurs, si vous voulez passer ces quatre, dites-moi. Voilà. Okay. Okay, on mettra le lien dans la description, tout ça. Vous pourrez aller voir tout ça comme il faut. Et bientôt en podcast, je te le ferai s'il faut même. on va continuer sur au revoir à Raphaël. Donc ouais, je disais les vaisseaux, je trouvais que c'était super bien fait et je me demandais s'il n'y avait pas des maquettes sur le. À un moment, on voit le vaisseau de Yandu, on le voit super près et je trouvais qu'il y avait beaucoup de détails et de trucs comme ça. Et c'est pour ça que j'avais l'impression qu'ils avaient vraiment numérisé une maquette. Et juste pour finir, après je te donne le micro, juste après au niveau de la réalisation, je trouve aussi ce qui fonctionne bien, c'est qu'on a vraiment un vrai artiste, un mec qui est vraiment partout sur son film. Tout se fusionne en fait. Les dialogues vont avec l'image, qui va se refléter dans la musique et ainsi de suite. Et c'est vraiment une belle osmose qu'on n'a pas dans les autres Marvel, je trouve. Ouais, il réfléchit vraiment en termes. Bon, ça, c'est un truc que j'ai découvert à force de faire des histoires aussi bien tout seul qu'avec d'autres personnes. C'est beaucoup plus efficace de bosser avec quelqu'un qui réfléchit à tous les éléments que le spectateur va avoir. C'est-à-dire, autant quand tu fais une bande dessinée, je peux des fois recevoir un script d'une personne qui réfléchit pas tellement au placement des gens dans la scène, et un autre au contraire qui va y réfléchir, et le résultat est radicalement différent parce que la scène va beaucoup mieux se développer justement parce qu'il a pensé à comment les gens réagissent dans l'espace. Et comme tu dis, Gunn, il a réfléchi à le placement des personnages dans la scène, il a réfléchi à comment les dialogues agissent par rapport à ça, il a réfléchi à quelle musique choisir exactement à tel moment, et ça marche extrêmement bien. Et là, pour le coup, il y avait d'autres réalisateurs qui font un peu le même principe, mais j'arrive pas à en trouver sur le coup. Du coup, je fais le lien. Du coup, c'est ce que tu disais des maquettes et tout, c'est la même proto qui a été utilisée sur Rogue One, en fait. Parce que du coup, c'est le même studio, enfin, du coup, ILM, c'est ceux qui font Star Wars, du coup, c'est eux qui ont bossé après sur les vaisseaux. Du coup, je serais pas surpris qu'ils aient fait des maquettes, qu'ils aient scanné après, du coup. Et par contre, pour revenir sur ton exemple, je serais pas surpris qu'ils fassent la même méthode que Tarantino, Tarantino, lui, il écrit en musique, et en même temps, il écrit de façon imagée, c'est-à-dire qu'il imagine sa scène avant, en écoutant la musique, et après, il note. Ouais, bah, Gunn fait... Alors, je sais pas s'il écrit avec la musique, en tout cas, il a déjà toutes ses musiques déjà de base prévues. Ouais, ouais. Et Chris Pratt expliquait justement que quand ils tournent une scène, ils ont des oreillettes avec la musique de la scène dans la tête, pour pouvoir justement savoir... Comment dire, savoir comment agir en fait. Ouais, ouais, mais ça se voit justement à ce fameux scène, je te disais, avec les ralentis et tout. Tu sens que les mecs, ils ont dû écouter la musique pour marcher et tout. Et c'est pour ça que moi, je pense que je serais pas surpris qu'il ait vraiment écrit avec la musique. Mais en fait, la DA est vraiment, vraiment folle. Et on va peut-être faire un petit hors podcast. Est-ce que Faye, tu peux te mettre là comme ça, vous partagez tous les deux le micro. Et on t'a fait comme ça, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Du coup, je pense qu'on a tout dit sur la réal et la DA. C'est du grand spectacle, du beau spectacle, comme j'aime le voir et comme on aime tous le voir, je crois. Non, mais il y a personne qui a. Vincent, t'as un truc à redire sur ça? Je sais pas si c'est nécessaire que je le dise, mais il y a des plans qui faisaient très des plans. Voilà, il y a des trucs qui faisaient très cartoon. Je fais référence en fait à la, au moment du début du film où Rocket se bat. Voilà, le vaisseau s'est crashé. Voilà. Ouais. Le vaisseau s'est crashé et donc il prépare des pièges pour niquer tous ceux qui vont venir l'attaquer pendant qu'il le répare. Et il envoie les ennemis en l'air à travers des bombes à répulsion. Ouais, je m'en souviens. Et tu vois les ennemis qui s'envolent au-dessus des arbres, ouais, qui avec la lune. Aussi vite qu'ils sont tombés. Ouais. Ça fait très cartoon de même. Il y a une scène où Raccoon et Yandu. Voilà, font des sauts tant oui, pas, je sais voilà. pas quoi à bord du vaisseau et ça t'a gêné ou c'est un point positif ou un point négatif? Bah, je sais pas trop en fait puisque le délire du film c'est que on est là pour se marrer, on est là pour les gags ouais. et du coup ça c'est comique, moi ça m'a pas fait rire mais c'est comique. Après je trouve que du coup ça rend le tout assez superficiel, genre qu'est-ce qui peut leur arriver à ces mecs-là? Le truc, c'est que quand leur visage se déforme, Raccoon et Yondu dans le vaisseau, juste avant, il y a Yondu qui dit « Un mammifère normal ne peut subir que 7 sauts. » Je sais plus comment ils appellent ça, 7 sauts. Ouais. Il 40, dit, ils ont subi 700. 700 ou un truc comme ça. Du coup, pour chipoter, parce que ouais. je... Il dit que ça rend... Enfin, dans la VO, hein, il dit « Ça rend malade au bout de 50 sauts. Ouais. » Il dit pas que c'est nocif, il dit juste tu vas gerber et après il y a le gag ou gros de vomi, tu vois. Ouais. D'accord, bon, mais là du coup ils s'en prennent 700 dans la gueule, je crois, un truc, ça prend plusieurs centaines et leur visage est déformé. Mais c'est juste, voilà. C'est possiblement une référence, ça aussi d'ailleurs. Ah, alors là pour le coup. Tex Avril, moi j'aurais vite dit. Bah, je pensais pas à ça, mais il y a un bouquin Marvel qui justement va être adapté dans pas longtemps. Le bouquin Thanos Quest, où Thanos voyage dans l'univers pour récupérer toutes les gemmes d'infinité, il y a une séquence où il voyage à travers différents pans de réalité. En gros, sa fameuse chaise là sur laquelle on le voit flotter. Elle a pas mal de pouvoirs, en gros, on va dire, et il peut se déplacer d'une dimension à l'autre. Et du coup, il y a un peu le même principe, c'est qu'il change de forme, il se transforme en pierre, il se transforme en glace, en feu, etc. Il se déforme dans tous les sens. C'est dans quoi que... Ah, c'est dans H2G2. Oui. C'est pas ça? Le guide là du oui, oui. Ouais, ouais. Parce que quand c'est un moment ils font la vitesse lumière ou je sais pas quoi, enfin pour voyager. Et en fait, quand ça revient, ils sont tous transformés en autre chose et après ils redeviennent normaux. Ouais, peut-être, ouais. Oui aussi, oui, aussi dans les une autre référence. Mais dans le guide du machin interstellaire là, bah, y a ça. À chaque fois qu'ils voyagent, quand ils reviennent, ils sont transformés en quelque chose. Mais l'idée est cool. Il reste quelques temps. Ouais, pour revenir au truc de la scène avec les bombes à répulsion là, ça revient justement avec l'effet dessin animé ou même l'effet bande dessinée. Comment dire? Il y a un truc que j'avais remarqué dans pas mal de films modernes, on va dire, qui est que la mise en scène au niveau des placements des personnages, des décors, tout ça, il y a un truc un peu plus 3D. Qui fait qu'il y a certains éléments qui ne ressortent pas nécessairement bien par rapport à des films de mettons, de la période noir et blanc. Il y a le Docteur Caligari, par exemple, c'est un vieux film. C'est de la... on appelle ça encore. C'est un film allemand, si je me souviens bien. Enfin, bref. Oui, c'est du... C'est un film de Tim Burton et c'est lui qui m'empêche de trouver le nom. Oui, non, mais moi aussi, je enfin, sais. Enfin bref, en plus, ça date de période où on faisait des mises en scène avec... On détachait vraiment les objets les uns des autres et ça avait un peu un côté 2D. Un surréalisme côté... allemand ou un nom comme ça, ça c'est Fritz Lang, c'est... Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas, mais ouais, donc ça date d'une période où on mettait justement en scène les choses pour les mettre... pour les détacher vraiment, un peu comme dans une bande dessinée. Et ce placement de caméra, en fait, ça faisait vraiment ça faisait vraiment BD, cartoon, et ça correspondait vraiment bien au sujet, finalement. Et j'ai trouvé ça vachement sympa, parce que c'est bah, pareil, c'est le genre de truc qu'on voit généralement assez rarement, on va dire. Il a vraiment pris parti, dans en fait. Les films, tu vois, pour les gosses et trucs comme ça, maintenant, tu retrouves pas ce genre de mise en scène. T'as vraiment des trucs très bas du front. Alors voilà, pourtant, il y aurait moyen de rechercher. Et là, il y avait vraiment... Mais après, du coup, je me pose une question, parce qu'il y a beaucoup de dommages dans la mise en scène, dans comme ça, aux années 80, encore une fois. Et je me dis, des gens qui n'ont pas connu, qui n'ont pas les références, qui n'ont pas connu, est-ce que justement, ils ne passent pas à côté de certaines choses? Bah, j'aurais envie de dire que du moment que la scène est lisible et qu'elle a une qualité, même si elle est censée être drôle, par exemple, la majorité des gags qui ont un élément nostalgique dedans sont quand même drôles, même si tu comprends pas cet élément nostalgique. Bon, en théorie, ils sont quand même drôles. Et on va dire qu'elles sont suffisamment bien faites pour être appréciables, même si tu n'as pas d'affinité avec les années 80. Mm-hmm. Moi, je propose que Maxime parle sur cette... parce que c'est un peu son... C'est un peu ma némésis, tu veux ouais, dire. Voilà. De quoi? Les années 80? Non, le fait de... Quand tu n'as pas les références ou... Il n'y avait pas de référence que j'avais pas en fait là dans le film, il n'y avait pas de référence. Non, mais c'est ce qu'elle disait. c'est par rapport au fait, je reviens sur un truc privé, plein de fois où je t'ai parlé de vieux films en te disant ah mais faut que tu vois c'est tel film, et à chaque fois tu me disais ah mais c'est des vieux trucs, j'ai pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, sur la mise en scène réactualisée. Oui, voilà. Est-ce que d'après toi, quelqu'un qui a pas les références Du coup, moi j'ai pas les références parce que enfin. Peut-être avec Julie et Vincent, on est plus jeunes que vous. C'est gentil de le dire en public. Je pense en que public. Vous êtes quand même plus jeunes que nous, surtout moi. Quoi. Ouais, mais enfin, moi, contrairement à James, je suis pas un produit des années 80. Je suis pas un produit des années 80. Enfin, c'est tellement beau. J'ai pas connu, tu vois, genre 4000, tu vois, pour moi, j'ai vu 3 épisodes dans ma jeunesse. Et pourtant, tu vois, je comprends les références, tu vois, David Hasselhoff, ça me fait marrer, mais ouais. Plus pour le côté has-been, plus que pour le côté, c'était un mini-idole qui a chanté à la chute du mur de Berlin. Ouais, donc du coup, tu vas le voir différemment que... Ah oui, pour moi, c'est un has-been, tu vois, ça me fait marrer parce que c'est un has-been, tu vois. Ouais. Par contre, c'est une référence que moi, j'ai perçue comme référence, mais je sais pas si vous l'avez vu comme telle. Quand t'as la scène où t'as Kurt Russell, tu sais, qui est tout en squelette, qui est en train de se refaire et que tu vois son visage déformé, et que l'autre il le regarde dans le vaisseau, ça m'a trop fait penser à une scène de The Thing. Et je pense que c'est fait exprès où en moment t'as une sorte de créature qui est en train de se former, qui se divise, et tu vois le visage qui se tord de douleur. The Thing de Carpenter. Oui, de Carpenter, dans lequel jouait Kurt Russell. Et je me suis dit, est-ce que c'est un petit clin d'œil ou est-ce que c'est moi qui l'ai vu comme oui, ça peut-être. Il faudrait que je retrouve l'image, parce que je trouve que c'était exactement la même façon, la grosse bouche ouverte comme ça qui se tord de douleur. Tiens, d'ailleurs, je me posais la question, je sais pas si c'était dans le film ou pas, les personnages, vous les avez trouvés comment? Ah oui, c'était après. Oui. Ouais, bah, moi, les personnages. Je suis tombé amoureux de cette équipe dans le numéro 1 et je pense que Non, t'es tombé amoureux de Chris Pratt. Non mais non, j'étais déjà amoureux de Chris Pratt depuis Park and Recreation comme chaque être humain normal qui aurait vu Park and Recreation. Je vois déjà Vincent qui en peut plus, qui en a marre. Vas-y, tu veux parler des personnages? Ouais. Vas-y, tu as tout ça, c'est tes notes sur le personnage? Non, en fait, je sais plus. J'ai pris des notes hyper mal, genre c'est de la rédaction, quoi. Donc c'est hyper pas pratique. Déjà, il y avait la relation Star-Lord-Gamora, par amour du coup. D'accord, personne ne rigole. C'est pas grave. Vaut mieux, je pense. On coupera cette blague au montage. Non, je viens de capter. D'accord. Bref. Ouais. Ouais, ça en fait, il y a Mantis là, elle touche. Bon, déjà à la base, ils savent l'un pour l'autre qui sont nativement. Oui, bah oui, bon, depuis le premier. Dire, on va dire qu'ils savent pas. Il y a Mantis qui touche Star-Lord, et donc là, ça éclate au grand jour. Il y a plus de doute, Star-Lord il est à fond sur Gamora. Oui. Et si Gamora ne veut pas que Mantis touche, ne la touche, c'est sans doute que voilà, c'est réciproque. Bref. Ça me saoule, pourquoi ça se tourne autour comme ça pendant 150 000 ans Surtout que la version d'origine. Enfin, il explique, il dit, il fait la référence aux séries télé, à savoir les persos qui se tournent autour, et quand ils sont ensemble, et ben les gens, ils se désintéressent. Et donc, en fait, le fait qu'ils fassent une relation comme ça, c'est un petit clin d'œil encore aux structures de la série télé. D'ailleurs, c'est Cheers qui dit. Il y a beaucoup de références dans le film, le fait qu'il voit ça comme une trilogie et tout, il te met ça comme un épisode de série. Donc, c'est l'épisode 2 de la saison 1 des Gardiens, si tu veux. Et des Feux de l'Amour. Voilà, et des Feux de l'Amour aussi, si tu veux. C'est pas parce qu'il l'assume en tant que référence que c'est pour autant plus logique, tu vois. Ça serait pas comme ça si c'est... Ouais. Bah, en fait, je pense qu'elle l'est, mais en même temps, il joue avec un peu pour se moquer des autres trucs. C'est-à-dire que pour lui, l'histoire d'amour, c'est pas important. Mais comme genre, on lui dit, ah, il faut qu'il y ait un truc amour, bah, je pense qu'en fait, il met ces clichés-là. Ça a vraiment gêné. Le... Tu vois, pour ça se différencie des zones Marvel. Tu vois, les zones Marvel, ils nous font chier avec des love interest à la con. On s'en fout, quoi. Et je trouve que la relation est sincère. Tu vois, les deux, j'y crois. Tu vois, genre, je me dis, tu vois, si je savais pas que Chris Pratt, il avait une femme qui était super amoureux. Suivez son compte Instagram, c'est un bijou. Son fils, il est trop mignon. Chris Pratt Family Forever. Voilà, ouais. Ah, mais et du coup, tu vois, si genre, je savais pas que Chris Pratt il était avec une meuf, je me suis dit, peut-être, tu vois, genre, je trouve qu'ils ont une alchimie, genre, peut-être qu'ils pourraient après être mais ensemble. Il le joue tu vois. Bien, il le joue bien, je trouve. Comment dire, là en l'occurrence, dans le contexte de l'histoire, ça avait même une utilité. Parce que, étant donné que Gamora s'est fait entraîner par un psychopathe pendant des années, elle a du mal à s'ouvrir, etc. Enfin, c'est le gros thème de l'histoire. Et du coup, c'était pour ça aussi qu'elle a du mal à. Enfin, que tout le conflit du jeu entre les deux existe. C'est-à-dire que Peter, lui, il en a marre. Parce que Peter, lui, il est beaucoup plus ouvert. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir avoir la relation qu'il veut avec elle. Et elle, au contraire, elle a peur. Et ça va venir graduellement. C'est bien un élément que j'aime bien aussi, c'est que c'était plus centré L'utilité, on va dire, dans l'histoire de Gamora, c'était plus centré sur sa relation avec sa sœur qu'avec Peter. Donc l'élément était juste là pour dire on n'oublie pas, voilà. Mais le sujet du moment, ça va être, faut déjà qu'elle rétablisse une relation normale avec les membres de sa famille, entre guillemets, avant de commencer à s'intéresser à son mec, parce qu'il n'y a pas que les mecs dans la vie, en gros. Et bon, après, elle est assez différente de la version BD, vu que la version BD est du genre à se taper un peu, non pas n'importe qui, faut pas exagérer, mais elle a une libido très, très animale, on va dire. Et elle se fait pas marcher sur les pieds, genre jamais, jamais. Et celle du film, je l'avais justement dans le premier trouvé extrêmement pâle, parce que Gamora est vendue dans la BD comme dans le film comme étant la femme la plus dangereuse de l'univers. Mmh. Et autant dans les bouquins tu comprends tout de suite, autant dans le premier film je l'avais trouvée trop lisse, trop balai dans le cul. Et elle a un poil fade dans le premier. Moi je pense que c'est le gros point noir de l'histoire. Parce que dans le premier elle savait pas comment se comporter, comme tu dis, ça fait plein d'années qu'elle est élevée par Thanos. Là vraiment, moi j'ai kiffé le personnage. Il y avait la peur, elle savait pas trop où là elle commence à s'ouvrir. Et puis aussi, il y a le côté Marvel qui fait chier sur les persos féminins, voilà. En les mettant pas en avant. Là, c'est bien que dans le 2, peut-être James Gunn, il a un peu forcé. C'est pour ça que j'étais content, parce qu'autant dans le premier, justement, alors le souci que j'avais principalement, c'était bon, alors qu'elle ait pas sa libido, ça je m'en fous à la limite. Par contre, il manquait justement cette espèce de rage. Parce que dans celui-là, elle était justement beaucoup plus balée dans le cul. Et en plus, c'est devenu un archétype à force. Mmh. C'est qu'à chaque fois qu'on te met un personnage féminin dans une équipe, il faut absolument que ce soit la meuf badass qui parle pas beaucoup, qui est toujours très sérieuse et qui est entourée de gars qui, parce que c'est des hommes, elle il faut que ce soit plus trop cet article. Alors justement, le, dans le premier film, c'était ça. C'était un peu l'archétype de la meuf au balai dans le cul qui fait chier, qui est entourée de bras cassés. Là, ils ont réussi à lui donner un truc à faire dans l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à en faire un vrai personnage avec un développement intéressant et tout, et j'étais très content parce que je voulais qu'il fasse un truc intéressant avec elle. J'ai ma figurine Lego de Gamora dans mon sac, et avant ce film, je me disais, bon, c'est pas, ben, t'es bien sympa, mais je t'aime pas particulièrement. Là, pour le coup, je la regarde et je me dis, ok, c'est bon, t'es cool. Puis même la relation avec sa sœur, enfin, elles ont ouvert le dialogue, mais c'est pas encore. Ouais, j'ai bien aimé comment elle, elle a fait un premier pas en disant ok, je suis ouverte au dialogue, machin. Mais l'autre, tant qu'elle aura pas tué Thanos, ouais, ça va pas. Max, t'as un petit avis sur Gamora? Je trouve qu'elle fait le taf. Est-ce que t'as trouvé une évolution entre le premier? Ah oui, dans le premier, genre, c'était limite, elle parlait, mais c'était des objectifs. Tu vois, il faut aller là, il faut faire ça, il faut donner des trucs aux collectionneurs. Que là, tu vois, elle est. Elle est un peu dans l'empathie, tu vois. Elle est là, ça va. Je dis pas que tu l'invites à prendre le thé, tu vois, mais tu sens qu'elle, déjà, que du côté femme fatale, elle essaie de s'adoucir un peu. Elle tu a vois. Un côté un peu maternel avec avec le reste de l'équipe. Ouais, je trouve que ouais, voilà, c'est elle un peu le faux leader, tu vois. Ouais. Je suis assez d'accord. Donc en dehors de l'amour, la love interest, est-ce que le personnage de Gamora t'a gêné Non, dans l'ensemble, je t'ai bien aimé. Par contre, il y a un truc, c'est peut-être juste moi qui ai manqué d'attention à un moment. Il y a une tension qui se crée entre Gamora et Star-Lord par rapport au père. Elle ne lui fait pas confiance du tout, alors que lui, voilà, il a retrouvé son père. Parce qu'au début, elle lui a dit d'y aller, et après, elle lui dit parce qu'elle a changé d'avis entre les deux. Mais pourquoi en fait? Enfin, alors, parce qu'elle a vu Mantis. Elle lui a dit d'y aller au départ parce qu'il fallait qu'il se fasse sa propre expérience pour voir ce que c'était son père. Et quand elle est sur la planète, déjà, enfin, t'écoutes déjà la façon dont parle Kurt Russell, ce magnifique homme. Tu l'écoutes, tu te dis attends, il y a déjà une couille dans le potage à son histoire et tout. Enfin, tu flaires le truc. Parce que, je veux dire, quand t'es une femme, t'as du truc, quoi. Et je pense qu'elle a flairé le truc et elle a voulu le protéger, mais lui, il était trop dans le truc. Ah, j'ai retrouvé mon père, il était dans l'illusion de ce qu'il voulait, en fait. Ouais. Bah, justement, ça mène à mon deuxième personnage préféré, du coup. Ouais. Parce que mon préféré dans l'histoire, c'était Rocket. Il est excellent, Rocket. Et autant il y a la gimmick du raton laveur qui parle, machin, que j'aime bien, mais là, pour le coup, ils ont vraiment fait un personnage que j'aimais beaucoup. Mais après, il y a Ego et. Alors, justement, tout à l'heure, tu parlais du fait que t'aimais pas trop l'utilité de Mantis dans l'histoire. Je crois que c'est toi qui disais ça. Non, c'est pas moi. C'était Raphaël, c'est ça. Enfin, les absents ont toujours tort. Ouais, bon, d'accord. Et en fait, bon, on va dire pour rebuter un peu là-dessus, si je me souviens bien, son souci c'était que il avait trouvé l'inclusion de Mantis dans l'histoire un peu paresseuse, on va dire. Ouais. Et justement, je suis pas d'accord parce qu'en gros, dans ma tête, ça contribue bien à la mise en scène, on va dire, de quand tu arrives chez Ego comparé à quand tu pars de chez Ego. Et c'est un truc que tu vois relativement souvent dans ce genre de cas, c'est-à-dire que tu arrives, le personnage te dit bonjour, je suis ton ami ou ton membre de la famille que t'as pas vu depuis des années, je suis génial, absolument extraordinaire, je suis exactement tout ce que tu voulais que je sois, je suis fabuleux. Et ensuite on commence, et tous les éléments que tu vois de son quotidien où il t'explique, alors ça c'est ma chambre, machin truc, ça, c'est ce que je fais de mon temps, etc. Vois, bienvenue chez moi, tout ça. Et tu vois tous les éléments de sa maison qui ont l'air relativement cool. Et au fur et à mesure que le temps avance, tu commences à réaliser que tous ces éléments cool, en fait, sont pervers. Et il y a toujours un côté sombre derrière. Et justement, la présence de Mantis dedans, c'est un élément que j'aime bien. C'est que quand elle arrive, elle te dit, je suis là pour lui tenir compagnie. Et au fur et à mesure que ça avance et que tu découvres que le gars, justement, son nom d'Igo, il lui représente bien, quand elle dit « je suis là pour le tenir compagnie », ce qu'elle entend vraiment, c'est « je suis son animal de compagnie ». Il propre, le dit, Drax voilà, le dit. Voilà, il le dit vraiment ouvertement. Et c'est justement un élément que j'aimais bien, c'était que ça correspondait justement à donner encore plus de poids au fait que Igo a une certaine vision des autres formes de vie. Il les voit comme des outils ou comme des éléments pour s'occuper. Mais c'est ce qu'elle dit, tu n'amènes pas une puce chez toi, mais moi je suis une puce utile. Voilà, c'est exactement ça. Mais moi après, le perso de Mantis, tu peux le voir aussi, alors si tu te prends la tête comme moi, c'est vraiment un truc psychologique, c'est-à-dire qu'elle représente la réalité. C'est-à-dire qu'elle va mettre nos héros face à leur propre réalité, ce qu'ils pensent vraiment du fait de son pouvoir. Par exemple, on a Gamora, qui veut pas affronter ses sentiments, ce qu'elle ressent, et donc c'est pour ça qu'elle l'empêche de la toucher, parce qu'elle ne veut pas. Et c'est pareil, Ego, sa réalité, c'est que voilà, le mec il est pas très bien dans sa tête, voilà. Et elle sert à le cacher, parce que pareil, lui il veut pas qu'on voit la réalité. Donc quelque part elle a un rôle assez intéressant. Et écoutez, t'as Drax qui assume totalement tout ce qu'il voilà, a, lui, tout son par être. Contre, il s'en fout, quoi. Ce mec n'a aucun problème, c'est abusé. C'est clair, pourtant il a une histoire mais super triste. Je sais pas, il y a quand même la scène où il est triste. Voilà, c'est ça. C'est... En fait, il a pas, je suis même pas sûr, il a pas de développement dans l'histoire lui. Non. Mais je trouvais génial. Autant dans, je l'avais pas trouvé, enfin. Si, je l'avais aimé dans le premier. Mais en fait, lui, tu vois, tu te rends compte que c'est celui qui est le plus fort psychologiquement, oui. Parce qu'il a affronté sa peine, il vit avec, et il essaye tout le temps voilà, d'être gentil par rapport pour les autres, de les aider. Parce qu'il n'y a rien qui lui passe au-dessus de la tête. Ouais, tu te rends compte de la force psychologique de Drax dans la scène où Mantis le touche et qu'il se met à pleurer à sa place, en fait, alors que lui, il a l'air sourire. Il a l'air d'avoir un sourire, ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça. T'as un avis sur Mantis et Drax, Vincent ? Non, alors Mantis, Yondu. En fait, Yondu, pardon. Ah, Yondu, ouais, attends. En fait, Yondu, tout à l'heure, Mantis, on a dit que c'était la sidekick du méchant. Donc en fait, on est en partie spoiler depuis plus longtemps qu'on le croit. Parce que... oui. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, Mantis, moi j'ai bien aimé. Bon, après. D'ailleurs, elle est française, l'actrice, je savais pas. Et c'est elle qui s'est doublée en français, en fait. Ouais. Ok. Elle a joué dans. Comment je t'ai dit ? Truc la nuit, la Pigalle la nuit, elle avait joué dans la série, voilà. Ok. Yondu, moi j'ai eu aucune sympathie pour ce personnage. Sérieusement ? J'adore Michael Rooker. Il est trop Michael bien. Rooker est génial. Il est trop... Pickett Forever. Donc, ça va te faire pleurer quand même, hein. Bah alors, et vous pensez pas qu'il aurait pu être sauvé ? Parce que je rappelle que dans le 1, bon, James a essayé de m'expliquer. Il y a une réponse. Attends. Dans le 1, Chris Pratt, enfin Star-Lord, il est dans l'espace, il donne son masque à Gamora, oui. Et il est un peu congelé, mais il survit. Oui. Et le vaisseau, là, c'est pareil, il était pas loin dans le 2, alors pourquoi qu'ils l'ont pas ressuscité ? Star-Lord, il a du sang céleste. C'est un point Charlie de Lost. Star-Lord a du sang céleste. Je peux concevoir l'explication de James, je peux concevoir. On peut pas considérer ça comme l'explication définitive, parce qu'il y en a pas. On pourrait tout aussi bien dire que juste le vaisseau n'est pas arrivé à temps, ou va savoir quoi d'autre, donc oui... J'irais pas jusqu'à considérer ça un trou de scénario, mais oui. Non, pour moi, c'est un point Charlie de Lost. Voilà, pour ceux qui ont vu la série. Alors, autant Charlie, il aurait pu pas sortir de cette putain de plateforme sous-marine. Mais non, il pouvait pas. Si, il a sauvé la porte qui refermait, ça explosait. Il y a Mireille qui allait tout faire péter, il a sauvé son fils. Mais non, il est mort pour rien. Ce débat n'en finira jamais. Il est mort pour rien. Ce n'est pas grave, nous l'aimons quand même. Il a sauvé. On va passer à Yondu. Maxime. Est-ce que tu as un petit avis sur Yondu ? Elle l'aurait sauvé, elle aurait fait un massage cardiaque, elle aurait créé un truc. Alors, du coup, parce que du coup, on a un peu spoilé que Yondu était. Et après, on parlera d'Ego. Après, Yondu et Rocket, on parlera d'Ego. Tu n'auras pas le droit de parler. Que Yondu meurt à la fin en se sacrifiant. Ouais. Mais moi aussi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Moi, je trouve. Genre, je me suis dit, c'est une blague, tu vois. Genre, j'étais là, allez, vas-y, ça va rebondir. Et parce qu'en fait. Voulais un film avec Yondu. Non, mais parce qu'en fait, dans tout le film, il désamorce complètement le fait de mourir. Genre, tu vois, genre. Dans le premier, tu vois, la mère de Quill, c'était vachement. Le décès de la mère, c'était un peu. C'était vachement tragique. Il te le ramenait à la fin. Là, alors, ils vont dans le truc des ravageurs. Le mec, il bute 400 personnes, mais YOLO, quoi. Et genre, du coup, genre, même pas le mec, ça lui fait du mal de péter ses potes, tu vois. Genre, il y en a. C'est pas ses points, ouais. Mais en fait, tous ses potes, c'est ce que disait Faye à un moment. En fait, tous ses potes, ils sont déjà morts, parce qu'ils sont tous morts dans le 1. Parce que les Ravageurs, ils sont pratiquement tous morts dans le 1. Les... Non, il y en a beaucoup que tu retrouves quand même. Bah, en fait, le mec qui a un truc dans l'œil là. Non, mais avec... en fait, ce que je disais à James, c'est ceux qui font la mutinerie dans le 2, pour moi, c'est des rajouts qui remplacent ceux qui sont morts dans le 1. Ouais, je pense que c'est pas raison. Parce que quand même, dans le 1, ils sont... étaient quand même assez fidèles. Dans le 1, il y a pas mal de vaisseaux qui explosent. Ouais. Oui, il y a pas mal de vaisseaux qui explosent, mais ils sont quand même. Tu sens qu'ils sont un peu. Une dizaine après, t'en vois une dizaine. Qui sont un peu dissidents, tu vois. Ouais. Ouais, alors mais que là, ils sont dissidents, mais ils respectent. Alors que là, il n'y a pas de respect, quoi. Ouais, mais enfin, du coup, je trouve que ça a vachement désamorcé sa mort à la fin, tu vois. Genre, il tue 400 personnes et. Mais ouais, mais ceux-là, c'était des traîtres. Ils sont plus rien pour lui, ils sont morts. Alors, pour la scène de la mort, j'étais triste. Les pleurs sont arrivés plus tard. Parce qu'en fait, je pense que la vraie. Avec la musique. Non, en fait, le truc, c'est que je pense que la vraie force de la mort de Yondu, c'est pas nécessairement la mort elle-même. C'est qu'avant ça, ils ont fait tout un setup en disant c'est Yondu, il a fait des conneries plus tôt et le reste des Ravageurs l'ont banni. Et ils lui disent, en plus, c'est vraiment un truc viking, t'auras pas d'enterrement, ouais, t'auras pas d'enterrement de Ravageurs. T'auras pas les couleurs, t'auras pas les trucs de la liberté. Voilà, et qui est extrêmement important pour eux. Et quand on connaît un peu les cultures vikings et tout ça, on comprend un peu. Et le truc, c'est que donc, la vraie force, en fait, émotionnelle de la mort de Yondu, c'est pas la scène. C'est tout le monde qui arrive. Voilà, c'est pas la scène de la mort, c'est la scène de l'enterrement. C'est comment voir, en fait. Alors, on sait déjà à quel point c'est important pour lui et les sacrifices qu'il a dû faire, mais de voir aussi les réactions de ses amis, de Chris et surtout de l'autre. De son fidèle, là, le frère du réalisateur. Parce que c'était ça, en fait. En plus, il a tellement bien joué. Il l'a tellement bien joué que c'est. Ils sont là, oui. Cet acteur, il est génial. Oui, et ça, en plus, le fait. Après, c'est vraiment un truc pour les lecteurs de comics parce que si tu le sais pas, tu remarques pas. Mais en fait, tous les créateurs des Ravagers en fait sont techniquement les anciens gardiens de la galaxie et ce sont tous des personnages qui formaient les gardiens de la galaxie dans les années 70 dans les bouquins. Oui, parce que Yondu c'est un des premiers de la toute première équipe. Et t'es content de ton caméo de Miley Cyrus? Ah oui, elle dope pas un perso, ça va. Franchement, j'ai même pas vu. Elle dope qui? J'ai même pas fait. Mais tu sais qui joue la personne qui est toute en glace? Tu vas jamais deviner. C'est Michael Rosenbaum, l'ex-Luthor dans Smallville. Ok, je peux supporter ça. Ça va. Et je rappelle aussi qu'on voit Est-ce Michel qu'on fait Yeo un petit à la fin. Petite parenthèse. Il y a Mulan. Oui, petite parenthèse Stallone. C'est pas le meilleur rôle de Stallone de tous les temps. Quand il a dit tu nous as fait de la peine, j'étais triste. Le meilleur rôle de Stallone, c'est dans Rocky 4. C'est dans Demolition Man. C'est dans Demolition Man quand il voit les trois coquillages, voilà. Donc ouais, non, mais ouais, là, j'ai trouvé tous ces caméos, mais Michel Yeo, tous ces caméos sont géniaux, ouais. Vraiment. Et c'est on se demandait d'ailleurs comme on est là-dedans si tu connais l'espèce de mec qui fait des qui parle pas et qui fait des alors je sais que c'est un sorcier genre comme Doctor Strange. Donc tu avais raison bravo. Je t'applaudis l'utilisation des mêmes types de trucs en fait. Oui. Mais après j'ai très peu lu cette équipe en fait. Franchement je me souviens même plus des noms de la majorité. Ah donc en fait tous les équipes qu'on voit qui ont dit ouais il va y avoir un troisième film enfin. Donc apparemment, le quatrième film, ben, ça va être... Je sais pas. Alors, on peut parler c'est... des, alors, parler des chaînes post-génériques, si vous voulez. Attendez, j'ai juste une news qui est tombée aujourd'hui. Donc, le réalisateur a dit que là, son histoire avec l'équipe Star-Lord, c'était pour trois films, parce que pour lui, c'était une trilogie. Oui. Et qu'après, lui, il aimerait faire un quatrième film avec une autre équipe, qui serait peut-être l'équipe Stallone, Michel Yeoh, enfin, Ving cool. Rhames, qu'on voit à la ça fin. Moi, cool. Je dis oui. Tous les personnages qu'on voit dans cette post-générique, donc c'est la deuxième, je crois, c'est la première équipe de Gardiens de la Galaxie, en fait. Oui. C'est ça. Sans Yondu. Et il leur manque encore un autre. Voilà, il y a un gars, il y a un gars qui arrive avec le bouclier Captain America et bon lui il est encore ces personnages. Et c'est qui le faux Ultron, enfin l'espèce de tête d'Ultron bizarre. C'est une intelligence artificielle. Je te dis je connais pas très très bien. Mais moi je trouvais que ça ressemblait vachement à un Cyberman. Hein. La tête. Oui mais tu regardes Ultron, tu regardes Cyberman, c'est la même chose. Hein. Bon, c'est peut-être un hommage de toi. Voilà. Donc on était sur Michael Rooker. Ouais, oui non mais je l'aime lui. Franchement il était génial. J'étais bien contente qu'on le voit. Plus dans le on film, plus, il a ouais. des scènes badass. On a dit ça ? De quoi ? Yondu. Ah oui. Ouais. Ouais, j'étais même étonné d'à quel point ils l'ont bien fait. C'est même l'un des trucs pour lesquels je récompense. Même pouvoir avec classe. Comment dire ? C'est extrêmement difficile de faire un film avec beaucoup de personnages qui font plein de trucs différents les uns à côté des autres. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait parce que chacun un vrai beau film choral. Ouais, chacun avait suffisamment de temps et c'était peut-être un peu rushé. Même là, non, j'ai vraiment pas eu l'impression que c'était rushé pour qui que ce soit. Non, je trouvais que c'était bien mis en scène. Chacun avait le. Tu disais, tu disais sur la converse que t'aurais voulu voir plus de Yondu et Rocket. Non, en fait, on voit tout ce qui se passe. Non, avec... c'est pas ce que j'ai dit. Je veux pas voir plus. Tu veux voir un autre film ? Ce que j'ai dit, c'est que la manière dont le film est découpé, c'est que on passe plus de temps avec Star-Lord et son père que Rocket. T'aurais aimé que ce soit le contraire. J'ai trouvé l'histoire de Rocket et Yondu plus intéressante et plus divertissante et avec plus de poids que celle de Star-Lord. Mais ça, c'est vraiment moi, hein. C'est pas nécessairement qu'il y en a une qui est meilleure que mais l'autre. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait deux trucs partagés, enfin que c'était pareil, quoi. Bah, ça se recoupe et, les deux vont bien ensemble. Moi, j'ai trouvé le film très équilibré. Moi, j'ai trouvé aussi. Et le truc, bon, après, c'est, bon, comme j'ai dit, c'est vraiment typiquement de la préférence perso, quoi. Et le développement de Rocket, je l'ai trouvé très intéressant. Et c'est finalement le personnage qui a probablement le plus d'évolution. Par exemple, le Star-Lord, sa relation avec son père, au final, ça se résout de manière, on va dire, assez simple. Parce que du moment que tu découvres que ton père est un connard, ça fait pas tellement trop de soucis pour toi. Quand tu découvres mais que c'est un connard, c'est en fait, c'est pas son. Enfin, c'est un peu expliquer le fait que c'est pas vraiment son père. Bah si, il ne retrouve pas. Oui, non, mais il retrouve son père biologique. Oui, il y a le. Mais il y a le fantasme, c'est-à-dire que ce personnage-là, comme il t'explique, il s'était monté un fantasme dans lequel il avait dit c'est David Hasselhoff, mon père. Et là, il se trouve face à ce fantasme où. Le personnage d'Ego fait tout justement pour ressembler à ce fantasme-là et le charmer en quelque sorte pour utiliser ses pouvoirs. Ouais. Et quand ça se brise finalement, bah là il voit sa réalité et il s'aperçoit trop tard qu'en fait un père, il en avait un qui remplissait vraiment son rôle de père et il s'en a aperçu trop tard, quoi. Je pense que s'il n'aurait pas eu de figure paternelle potable, ça aurait vraiment broken, mais là potable. Il est très bien Yondu, tu te tais. Mais par contre, tu vois, ce qui est intéressant, c'est le fait justement qu'il tue le père. Oui. Et du coup, c'est ça qui fait qu'il va évoluer. Parce que comme il casse ce fantasme-là, il casse cette blessure-là, du fait maintenant, il se voit tel qu'il est et il va mais dans du coup, le troisième j'avais trouvé ça évident, on va dire. Tous les éléments scénaristiques du développement de Star-Lord, je les avais vu venir à 3000 km. Oui, ça n'aura pas enlevé leur poids nécessairement. Mais je les avais vus venir. Autant par contre, Rocket et Yondu, c'était vraiment des éléments où je me disais, je sais pas trop où nécessairement vous allez aller. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment bien c'était plus divertissant parce qu'autant sur la partie Star-Lord et tout, il y avait certains moments où je me disais, tu tires un petit peu, on peut avancer s'il vous plaît. Autant la partie Yondu et Rocket, j'ai trouvé ça plus sympathique. Vas-y, sur Rocket, t'as peut-être un avis sur Rocket. Ah bah, sur Rocket, ouais, moi j'ai adoré ce personnage parce que c'est pareil, c'est un gars, voilà, un pauvre petit animal qui a eu. Plein d'expériences sur lui et tout, et il se retrouve à avoir une attitude, on va dire, humaine, enfin plus développée. Donc il faut qu'il apprenne à gérer ça. En même temps, il a toujours, voilà, avec les expériences et tout, il était toujours mis de côté, il savait pas quel était son rôle, il sait pas comment se comporter. Et là, en fait, il s'attache à ces gens-là, mais en même temps, il a peur de s'attacher parce qu'il veut. Il veut pas souffrir, peut-être, en quelque sorte, c'est l'impression que j'ai. Et du coup, il fait exprès de mal agir. Parce qu'il se dit, comme ça, je souffrirai pas, ils me rejetteront, je serai tranquille, quoi. Ouais, voilà, je suis très satisfait, très content. Moi, je vois pas à quel moment Raccoon, en fait, se fait pardonner, se réhabilite, en fait, d'avoir foutu tout le monde dans la merde en volant les batteries et au point que d'avoir crashé le vaisseau également, parce qu'il se disputait les commandes avec Star-Lord au début du film. Et à la fin, juste avant que Star-Lord parte avec son père et Gamora et tout le reste, il dit à. Ouais, il lui envoie une boîte. Ouais, non, mais il lui dit un truc sévère, il lui dit tu fais tout pour que tout le monde te déteste, et bah tu as réussi, il lui dit un truc comme ça. Et en fait, je pensais que ça allait se résoudre à la fin, ce conflit-là. Bah, il y en a une. Ça commence à la fin. C'est-à-dire mais non, que. Mais justement. Si tu veux, en fait, la fin, c'est que c'est-à-dire, il te montre que, voilà, dans une famille, tu te disputes, mais finalement, quand il y a quelqu'un qui va pas bien, et ben la famille est là. Et le fait qu'ils viennent, c'est un début d'amorce pour dire à Star-Lord, ok, j'étais un con, mais tu vois, t'avais besoin d'aide, je suis là. Et à la fin, quand il parle à l'enterrement de Yondu et qu'il fait le mélange avec ce qu'il a fait lui, c'est un début pour dire, ok, j'ai mal agi, je m'excuse. Mais il sait pas comment le dire. Et je pense que la vraie excuse, elle va arriver entre le 2 et le 3. Tu vois, pour rejoindre ce que tu disais, je trouve que Rocket, c'est celui qui a le moins évolué entre les deux films. Parce que dans le premier, c'est un douchebag, il vient le sauver deux fois. Il vient le sauver quand il est dans l'espace avec Gamora. Et il les sauve à la fin quand il va dans le vaisseau de Ronan. Et là, c'est pareil. C'est un douchebag et quand il faut venir les sauver, il vient. Je trouve que tu vois, c'est celui qui a fait le moins de chemin sur la courbe de progression, je trouve. Je pense. Ouais, alors en fait, il y a une scène, et comme elle disait, c'est une amorce, on va dire. C'est que il n'a pas le type de personnalité que tu changes facilement, si tu veux, étant donné qu'il est extrêmement traumatisé. Et il y a une scène vers la fin où il est en train de discuter avec Star-Lord, et il parle de Yondu, et je crois que c'est après la mort de Yondu. et lui dit tu lui pardonnes toutes les conneries qu'il t'a fait machin, même s'il t'a kidnappé, même s'il t'a obligé à voler des trucs. Et là il dit un truc qui en fait rapport à lui-même, et il dit même s'il a volé des batteries dont il avait pas besoin. Et c'est, j'aime bien cette scène justement parce que il dit pas ouvertement je suis désolé ou pardonnez-moi ou quoi, il le dit de manière indirecte parce que justement il est encore très gardé. Et Star-Lord comprend quand même, et justement il lui dit ben il a fait des conneries mais il est de la famille et on aidera quand même et on gardera quand même. Et j'ai bien aimé cet élément justement, c'est-à-dire que faut pas s'attendre à un retournement de situation façon ça y est maintenant je suis gentil, tous mes problèmes psychologiques ont disparu et je vous aime, je suis un bisounours. C'est vraiment graduel en fait, et j'aime bien c'est cet logique élément. Et puis tout passe par le regard, donc là l'image va être importante parce qu'on a ce petit regard de Star-Lord qui comprend que donc oui il fait référence à lui, qu'il est désolé. Quand il réfléchit, il y en a aucun qui est encore vraiment stable à la fin. Non. Les deux sœurs elles ont une scène de câlin, c'est le truc le plus bizarre que j'ai jamais vu de ma vie. Il y en a aucune des deux qui est vraiment à l'aise. Chacun a eu un élément qui fait que ça leur a peut-être déclenché un questionnement qui va aboutir peut-être par la suite à une évolution. Alors vous avez pas l'image, mais pendant tout le discours de Johnny, Vincent était là, ouais. Parce qu'il a raison, c'est vrai que moi ce que j'avais imaginé en fait quand Yondu vient sauver Star-Lord à la fin du film, quand on le voit de loin, je pensais que le mec avec le jetpack c'était Rocket en fait. C'était lui qui allait sauver Star-Lord parce que il s'était dit juste avant, il y a Drax qui dit ouais non on n'est pas des amis, on est une famille. Après ça, ils se rendent compte qu'ils remontent tous à bord du vaisseau, ils se rendent compte qu'il manque Star-Lord, Gamora veut sauver Star-Lord au péril de sa vie. Et Rocket la tase, et je me suis dit, ok, il a tasé Gamora, mais il compte pas abandonner Star-Lord parce que c'est une famille. En famille, tu fais ça, tu n'abandonnes pas, c'est pas juste des amis, quoi. Mais là, enfin. Et ouais. Mais en fait, il y va pas parce que. Parce qu'il sait qu'il y a Yondu. Yondu lui a dit, je sais que j'ai fait des choses pas bien, mais laisse-moi, en gros, il lui dit, laisse-moi me sacrifier pour mon fils, que je parte bien. C'est en pour fait. Ça d'ailleurs qu'il Et comme il le respecte, il y va pas. Il lui dit, il lui dit pas ouvertement non plus, pareil, parce qu'il est très gardé. Il dit, je peux pas supporter de perdre encore un ami aujourd'hui. Ouais, deux amis aujourd'hui. Mais en fait, t'as l'impression qu'il parle de Star-Lord, mais il parle pas de Star-Lord quand il dit ça. Non, il parle de Yondu. Il parle de Yondu. Parce que Yondu l'a aidé à avoir des choses qu'il voulait pas affronter. Et le gars, il lui a demandé, aide-moi à voir ma rédemption. Mais moi, en tout cas, du coup, j'ai pas été. Enfin, j'aurais préféré que ce soit Rocket qui sauve Star-Lord parce que finalement, non, mais Yondu. Tu veux la mort de Rocket? Tu peux pas les blâmer de pas avoir fait ce que tu voulais, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai peu de souvenirs du premier film. Alors, c'est un peu de ma faute aussi. J'aurais pu le revoir. C'est des suites, donc c'est normal quelque part d'avoir le film précédent en tête pour bien juger le nouveau. Mais voilà, moi ce que j'en garde de Yondu dans le premier film, il me semble qu'à un moment c'était un antagoniste du film, non? Plus ou moins. Plus ou moins. Il lui reproche déjà justement d'être trop coulant avec le gamin, d'être trop sympa. Mmh. Et justement, il se rend compte qu'il lui a volé le. À la fin du film, du premier film, il se rend compte qu'il a pas l'orbe. D'accord. Et il y a une espèce de troll à la place. Qui est d'ailleurs dans son cercueil à la fin. Plutôt que de repartir en arrière pour, parce qu'il lui avait dit si jamais tu me trompes, je reviens et je te bute. Ouais. Il l'a pas fait. Hein. Mmh. Il sourit. Parce qu'en fait, il est content. Moi, je l'ai pris comme il est content parce que son fils a pas fait ce qu'il lui avait dit et il a fait un truc bien. Dans le premier, quand il ouvre l'orbe et qu'il voit le truc, on voit pas énervé, on voit. C'est ce que je dis justement. C'est que on voit déjà les traits du personnage qui c'est pas un antagoniste. C'est il est même pas neutre en fait, il est très clairement du côté de Peter, mais comme il a toute sa bande de rascals derrière là, il faut qu'il donne un peu la façade de Et il essaye de le protéger tout en essayant de faire ce pour quoi on le paye quoi. C'est pour ça qu'il pète un plomb en fait. C'est pour ça que le personnage, j'ai oublié son nom, le personnage de Taserface Stagar, le personnage joué par le frère de James Gunn est énervé. Ça c'est Craiglin. Le personnage de Craiglin est énervé parce que il a déjà c'est pas la première fois que Peter le trahit, ils l'ont dit qu'il l'avait déjà fait avant, et c'est un peu. J'ai l'impression que. Enfin, je sais pas si. Il se voit comme le fils spirituel de Yondu. Mais il est aussi le fils spirituel. Et d'ailleurs, à la fin, quand Star-Lord lui donne la flèche en disant il aurait voulu que tu l'aies, c'est un peu un moyen de dire il te considérait un peu comme son fils. Ouais. Parce que normalement, la flèche, si tu suis des trucs, tu vois, un peu. Mais il y a un peu le même truc avec Gamora et Nebula, où Nebula a l'impression que c'est la préférée, et j'ai déjà oublié son nom, le personnage de Nebula. Non, le frère de James Gunn a l'impression que Peter est le préféré de Yondu, du coup c'est pour ça que ça l'énerve. Mais après il comprend mieux. C'est qu'on a des personnages qui vivent ensemble, enfin qui ont des interactions mais qui ne se comprennent pas en fait. En fait, ça fait vraiment très sitcom de truc de famille en fait, c'est un truc de Et c'est là que je trouve que ça fait un peu whedoniesque pour moi dans la façon dont c'est construit quoi. On dirait le Scooby Gang. En plus, je sais que Whedon l'aime bien, James Gunn, donc ça m'étonnerait pas. De qui on n'a pas parlé encore on a, je crois qu'on a fait le tour de Nebula. Tu devais parler d'Ego. Et d'Ego, ouais, oui, effectivement. Nebula, un petit. Je vous laisse parler de Nebula, ouais. Je faut que je vais aux toilettes. Alors, Maxime, sur Nebula. Ouais, elle sert à rien. Enfin, ça ouais, rien. Elle est là pour faire la continuité ouais, elle est là, avec ouais. Le 1. Quoi. Tu la vois dans le 3. Bientôt dans le 3. À bientôt dans le 3, ouais. C'est elle qui. Elle a les bulles rogées, quoi, je dirais. Moi, je suis sûr que c'est elle qui va faire chier Thanos, ce qui va... Elle va déclencher le truc, à mon avis, c'est elle qui va faire le lien entre l'équipe. Mais est-ce que dans les Gardiens 3, Avengers Infinity ne sera pas passé derrière, du coup, il n'y aura peut-être plus Thanos bah, du coup, Avengers... Enfin, de ce que a tweeté James Gunn, Gardiens de la Galaxie 3, c'est encore avant... Avant Avengers. Bah déjà... Pourtant, ils ont tourné leur scène, je crois, non? Oui, mais du coup, le... Le film, admettons, tu vois, si celui-là se passe en 2014, on va dire qu'il se passe en 2015. Ah, tu avais toi aussi, okay. Tu as fait le calcul. Oui, alors d'ailleurs, tiens, puisqu'on y est là-dessus, donc le film se passe en 2014. J'ai regardé sur Internet, c'est l'année où est sorti le premier. Mais ouais. À cette époque-là, il y a aussi Captain 2 qui est sorti. Et du coup, je suis désolée, même s'il y avait l'Hydra dans le film ou quoi que ce soit, pourquoi personne a fait un rapport pour dire qu'il y a une espèce de bouse sur une ville qui avance. Et c'est une ville toute paumée des États-Unis. Ouais, après, et alors, ils sont partout. Tu pisses, il y a Nick Fury, le sait. Ouais, mais après, c'est le même problème de dire pourquoi il n'y a pas Captain America dans Iron Man 3. Oui, ça prouve qu'ils ne savent pas. Non, mais ce n'est pas une histoire. C'est juste qu'ils savent les après, événements. Après, tu vois, du coup, ça dure... Combien de temps, tu vois, genre, est-ce que le combat dure 20 minutes ? Secondes. Le combat dure combien, genre, une demi-heure ? Ouais, mais bon, je veux dire, il y a eu un incident, je sais pas. Ici. Ils ont des satellites partout, quoi. Enfin, non, mais un rapport, je demande pas ce qu'ils y aillent de suite, mais qu'il y a un rapport, un truc écrit, qui fait que du coup. Mais... J'explique pourquoi. Pour que du coup, le Shield, il soit au courant qu'il y ait des trucs cosmiques encore plus que Thor, et que ça puisse faire un lien pour les autres. Parce que là, du coup, je vois pas comment ils vont les introduire. À moins qu'ils fassent vraiment un gros lien avec Thor. Mais il va y avoir un lien avec Thor et avec Thanos. Déjà, on voit dans le générique, on voit Jeff Goldblum. On voit Jeff Goldblum, donc un des antagonistes. Enfin, le grand maître. Ouais. Le grand maître, donc un personnage qui sera dans Thor. On le voit dans le générique, donc à mon avis. Danse. Et d'après ce que tu m'as dit, il devait y avoir plus de liens entre. Mais du coup, il devait y avoir Captain Marvel. Alors, je sais. Oui, si, ils en avaient parlé. Ils l'avaient annoncé à une San Diego Comic Con qui aurait Captain Marvel. Et du coup, genre, ils avaient annoncé 5 scènes post-gènes. Oui, mais. Du coup, moi j'étais tellement excité que j'en ai oublié une et j'étais là en mode 4. Ah, et j'étais là. Oh putain. Il la met pas pour l'avant-première, la 5ème, où il y a Captain Marvel. Enfin, du coup, je pensais que c'était ça. Ah, d'accord. Mais par contre, ouais, j'avais lu qu'il devait y avoir des liens avec Thor. Et du coup, quand tu vois la bande-annonce de Thor au niveau de l'esthétique, je trouve que ça se marie bien avec ce qu'on a vu des gardiens. Mais à part Jeff Goldblum qui danse en générique, j'ai pas trop fait gaffe. Quoi. Ouais, alors attends, si je me souviens bien, il y avait une référence au vieux Gardien de la Galaxie. Il y avait une scène avec les Watchers. Il y avait... mince. Et je suis en train de voir qu'on va bien pas tarder à taper les 2 heures. on va couper, on va vite... parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on discute. Qu'est-ce qu'il vous reste à aborder? T'étais en train de... excuse-moi, je t'écoutais pas du tout. On n'a pas à parler d'ego, ouais. Donc on va faire un 10 minutes sur le méchant. Tu parlais de quoi, oui, excuse-moi. Je suis en train d'essayer de me souvenir de toutes les scènes, en fait. Pour une fois qu'il y en avait pas mal, je crois Il y a 5 post-gènes. Il y en avait 3 sur 5, je crois que c'était des sketchs pourris. Il y en avait une qui était bien, c'était la reine des Sovereigns qui avait créé Adam Warlock. Ouais. Et c'est le seul teasing pour la suite, en fait. Mais est-ce que ça vous a posé problème qu'il n'y ait pas le lien avec le reste de l'univers? Moi, ça m'a posé aucun problème, j'ai vraiment trouvé ça. Franchement, non, parce que vu que le reste de l'univers c'est de la merde, voilà. Tout simplement. Johnny. Thor est le seul qui m'intéresse maintenant. Ouais, c'est clair. T'aurais aimé un lien avec Thor ? Non. J'en ai pas besoin. C'est sûr que lorsque le film s'est terminé, je me suis dit, et j'ai dit justement à l'ami avec lequel j'étais, t'es tellement habitué à avoir des liens aux autres films, on va dire, que quand il n'y en a pas, du coup, ça fait un peu bizarre, mais c'était pas gênant. Est-ce que tu as vu Jeff Goldblum dans le générique ? J'ai pas fait attention. Dans à une des bulles, dans en fait, une des bulles, on voit Jeff Goldblum qui danse. Ok, donc si ce n'est que ça. En costume, le costume qu'on voit dans le Et c'est qui le vieux qui danse dans une bulle ? Ah, de Star-Lord ? Peter Quill, qu'on voit dans le premier, du coup. Ah ouais ? C'était pas le premier. Il est dans une camionnette. Ah, c'était lui. Ah, je me disais, je le connais, ce vieux. Ah putain, mais oui. Alors, excusez-moi. C'était un très beau caméo que personne n'a reconnu. Ça aurait été marrant d'avoir... On t'applaudit. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme lien maintenant, d'ailleurs? Parce que, étant donné qu'ils ont tendance à annoncer leur film maintenant de manière en avance, on va dire. Du coup, quand t'as les scènes post-génériques qui arrivent, c'est plus vraiment des surprises quand ça annonce des trucs. À moins que sur Thor, genre vers la fin, il y a les gardiens qui débarquent sur l'espèce de planète parce que. Ouais, je sais pas. Parce qu'on leur a fait une mission ou alors ils étaient là pour assister au spectacle. Comme on est dans les scènes post-génériques, moi je trouve qu'il y a le meilleur caméo de Stan Lee ever. Avec quelque chose pour les gens qui lisent pas de comics, qui est très cool, les gardiens. Je trouvais ça vraiment. On voit les gardiens, c'est sympa, je trouve. C'est comme ça avec un design c'est sympa. C'est comme ça qu'ils s'appellent en français. Ouais, je crois que c'est les gardiens, ouais. C'est spécial. C'est les Watchers ou. Ouais, c'est Watchers, c'est genre, ils s'assient, ils regardent quoi. Je trouve ça cool, non ? C'est cool. Ah oui, non, le caméo est super. Tiens, d'ailleurs, toi qui parlais du. Tout à l'heure, on parlait du fait que le film se passe en 2014, et tu parlais de Chipotle, c'était quoi ? Oui, alors en fait, je viens de le dire tout à l'heure, en fait. Ah, désolé. C'est que je disais que. En fait, donc ça se passe en 2014. Ça se passe en même temps que Captain America. Captain America, et c'est aussi l'année de sortie du premier, en fait. Et moi, je trouvais ça bizarre qu'ils fassent pas de rapport. Juste pour dire, il y a eu un incident dans cette ville-là et que ça pourrait, tu vois, lier les deux univers ensemble. Mais peut-être qu'ils l'ont fait en off, genre juste c'était pas prévu dans le film. Dans la série, est-ce que quelqu'un a vu dans les derniers... si c'est là, alors c'est-à-dire que si c'est à l'époque du premier Captain America, c'est du ça deuxième. Du deuxième. Ouais. On est encore dans une phase où il n'y a pas encore eu l'explosion du shield, des trucs comme ça. Donc je suppose que ça doit faire partie de ces trucs dont qu'ils gardent cachés, on va dire. Genre, je vois pas de quoi vous parlez, c'est jamais arrivé, etc. Alors que maintenant, on est à un stade où sur Terre, chaque fois qu'il se passe un truc, tout le monde le sait. Ouais. Et... Parce que moi, ce qui me gêne, c'est que je vois pas comment ils vont réunir les deux trucs. Et j'ai peur que ça soit forcé et ça va me gonfler, quoi. Enfin... Ça sert à rien de chipoter sur des trucs qu'on n'a pas vu encore. On va, tu es énervé, on va continuer à énerver, on va parler d'ego et Faye va ne pas parler parce que. Non mais. Non, vas-y. Mais juste, ils peuvent évoquer cet incident-là dans le film justement qui réunira, qui amènera les gardiens sur Terre. Oui. Ça se peut juste qu'ils soient. Ah, c'était vous. Ouais. Donc, est-ce que tu veux parler du méchant? Je sais que t'adores débuter. La planète, on est d'accord que c'est le méchant. Hein. Oui, c'est le méchant. Ouais, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il bute pas les gardiens Il y a un moment où pour entraver les gardiens, il les bloque. Il se sert de la terre, des roches et tout pour les bloquer, les entraver. D'accord. Oui. Déjà, pourquoi est-ce qu'il les entrave? Pourquoi il les bute pas? Et pourquoi il a pas fait ça dès le début? Pourquoi il les a laissés s'approcher suffisamment près du cerveau de la planète et avec la bombe et tout, avant de se réveiller et de se dire « Ah ouais, putain, je contrôle tout. » Alors, j'ai deux explications. Vas-y, on va en voir gros, si c'est même que moi. Il y a le concept de la puce, justement, c'est-à-dire qu'ils sont tellement petits. En gros, quand t'as une fourmi sur toi, tu la sens pas nécessairement. Du coup, pour ce qui est déplacement jusqu'à arriver à son cerveau, il s'en rend pas forcément compte. Et ensuite, quand il arrive à la bataille finale, là, il a essayé de les tuer plusieurs fois, sachant que certains d'entre eux sont extrêmement résistants, du genre Drax qui se prend 14 arbres dans la gueule à va savoir combien de kilomètres heure. Et il arrive à faire des sauts alors qu'il est dans l'espace avec sa... Ouais, non mais tout ça pour dire que les gars sont du genre résistants et difficiles à tuer, et je trouvais ces efforts pour les éliminer relativement crédibles. Plus le fait que justement ils sont plutôt petits. Après il y avait le combat qui est parti un peu en mode Dragon Ball Z entre les deux que je trouve. Et après en plus quand il commence à glisser dans le truc, il est encore en train de discuter encore avec Peter et il est encore dans son mode corps humain. Et puis après il a pas la conscience de toute la. Je pense qu'il a vraiment conscience de toute la planète quand il est quand on voit juste le visage. Parce que juste pour dire, en fait au début il débute pas parce qu'il est en mode sirène, c'est-à-dire je suis séduisant, je t'attire, je suis trop cool machin, parce que c'est sa garantie pour que Peter fasse ce qu'il veut. Disait justement, je voulais qu'on le fasse ensemble. Ouais ouais. Et il a fait pareil avec tous les autres d'ailleurs. Mmh. Il a séduit les autres membres, enfin les autres enfants qu'il a eu. Et tous étaient trop faibles au final. Et Peter est le premier qui était résistant. Et là pour le coup il a pas trop su comment réagir quand Peter a dit non. Mmh. Et du coup, c'est là qu'il s'est énervé, qu'il a montré son vrai visage, et donc il a regagné son cerveau, quoi. Ouais. Et du coup, c'est là qu'il commence à attaquer les gens, parce que voilà, s'ils se disent, si je vais leur faire mal, peut-être il va dire, bon ben ok, je fais ce que tu veux, mais tu les laisses, tu vois. Mais au début, qui tente la voie de la conciliation, je veux bien, hein, c'est logique, d'accord. Ouais. Mais à partir du moment où ça commence à partir en bataille royale, quand il entrave Gamora et Nebula. Bloquant leur point et tout, pourquoi est-ce qu'ils n'en profitent pas pour bloquer leur bouche comme ça? Ça coûtait pas. Après, il faut pas oublier que même s'il est intelligent, tu te rends compte que, on va dire, c'est un être humain, il a de la colère et puis il a son gros défaut qui. Oui, je peux finir. Bon, après, il a son gros défaut qui se tient dans son nom, l'ego. En fait, le mec, il a pas l'habitude qu'on lui refuse des choses. Et du coup, ça l'énerve. Et quand t'es énervé, tu fais des conneries. Donc forcément, là, il va plus penser à grand-chose. Et puis quand tu vois qu'il est près de la mort, il se met à supplier et tout ça, alors que peut-être il aurait pu je veux dire, il avait peut-être la puissance de buter le fait de son fils et d'aller super vite à son cerveau pour dégager la bombe, je sais pas. Je suis très impressionné par l'aspect sociopathe du personnage, d'ailleurs. Parce que justement, il a bien cette espèce sirène, comme tu disais, c'est-à-dire qu'il est très sympa au début, et tu commences à réaliser qu'en fait, la raison pour laquelle il est aussi sympa et détaché, c'est parce qu'il veut s'en fout totalement de tout le reste, de toute la création possible et imaginable. Il n'y a que lui qui compte et veut devenir plus gros. Tout ce qu'il fait, c'est par rapport à lui-même. C'est son nom, hein, et il voit les autres comme un outil ou comme un animal de compagnie ou juste comme un truc sur son chemin, en gros. Et mais sans nécessairement être méchant, il est juste totalement détaché. Attends, et d'ailleurs, juste pour conclure, mais en fait, tous les personnages ont de l'ego en eux. Et que ça correspond à ce qu'il montre au début, les graines de lui-même qui poussent, quoi. Qui est aussi une analogie pour le fait qu'il met enceinte la mère de. Maxime, t'as un truc à dire pour conclure sur ego. Il est beau. C'est ce que j'ai dit au début. J'arrive pas à pas l'aimer, tu vois. Enfin, pas à le détester, à le considérer comme un méchant, tu vois. Pour moi, il est gris, tu vois. Il est entre les deux. Ouais, quand même, le coup de je file un cancer à la meuf. On parce est que d'accord que il est sous cette forme. Il est sous cette forme parce qu'il est avec Peter, mais que avec toutes les races extraterrestres qu'il va voir différemment, il a pas du tout cette forme et qu'il est parce que il le sous-entend quand même qu'il est toujours pareil. Ouais, mais c'est peut-être. Mais parce qu'il se montre comme ça à Peter. Ouais, mais du coup, t'as le fond où tu le vois en train de s'accoupler avec toutes les autres races. Il a gardé son côté, mais je me dis, est-ce que c'est pas pour lui faire peur? Parce que s'il voit qu'il peut changer de truc, le mec il va se dire, tu vois, il va pas faire ce qu'il veut. Bah, je sais pas si ça le choquerait des masses. Quand ils ont mis en scène cette scène, je pense pas qu'ils aient pensé en termes de faut pas choquer Peter, parce qu'après tout Peter il a l'air de s'être tapé des trucs avec une gueule pas très potable de toute façon. Je dis dans le 1 il dit qu'il s'est tapé une fille qui avait des tentacules. Une ascavarienne, ouais. Et Peter il a dû se taper des trucs avec une tronche très bizarre et choper des maladies vénériennes que tu peux pas imaginer. Non, mais en mode pour les gens qui forcément il fait un truc. Une forme de vie, donc forcément il est une forme humaine. Je pense pas qu'ils y aient réfléchi trop à ce point. Non, à mon avis, c'était juste simplement ils se sont dit on va essayer de simplifier au maximum la scène. Okay. Parce que c'était en plus, comment on appelle ça encore ? C'est de la narration visuelle. Ouais. Et la narration visuelle, c'est très difficile à faire. Et pour être sûr que ton spectateur va pas se paumer, tu gardes des choses très simples. Oui, oui. Donc une fois que t'as établi que dans la séquence flashback, on va dire, il ressemble à ça, tu le gardes comme ça parce que sinon, ça va pas. Moi je me demande s'il a pas eu d'autres enfants humains. Il a buté, mais ah oui, parce qu'on voit des crânes, mais on voit qu'il y a des gens avec des. Ouais, mais il y a plein de races. Il y a plein de races humanoïdes. Ouais. Mais bon, moi je. Enfin bon, on va conclure sur ça parce que ça fait deux heures qu'on en parle quand même. je voudrais faire un petit tour de table avec un petit mot sur le film. Ouais. On va commencer par Faye parce qu'elle avait l'air de vouloir parler. Bah moi je suis très très contente. J'ai passé un super bon moment et je suis contente que Kurt Russell revienne sur le devant de la scène. Question. Faut que je vois Fast and Furious 8 juste pour lui, mais voilà. Quoi. Une dernière question, avec la conclusion, un petit mot sur la suite. Sur est-ce que tu attends Thor? Est-ce que tu attends Spider-Man? Spider-Man, j'en ai mais tellement rien à foutre. J'attends Thor parce que l'esthétique, la bande-annonce m'a interloqué, m'a plu. Et qu'il y a Jeff Goldblum, que voilà, j'ai une passion pour Donc, Jeff Goldblum. Tu as de l'espoir quand même pour le futur de l'univers Marvel au cinéma. Pour le cosmique, oui, mais pour le reste, non. Voilà. Ok, on va passer à Vincent. Alors, petite conclusion sur le film. Est-ce qu'on a réussi à te convaincre? Non, pas vraiment. Ouais, il faut quand même de sacrés avocats, je trouve, pour défendre le truc, quoi. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'on est parti hyper loin dans l'analyse, et en fait, ce que vous dites, je l'entends, et ça peut se justifier ainsi, c'est vrai, mais je trouve que le film demande trop à être défendu par ses fans, en fait, genre, ça laisse trop de place à l'interprétation. C'est un film en même temps. Ouais, non, mais à un moment, le film, il te donne des indices à travers sa réalisation pour te dire quelle est l'intention, quel est le scénario. Quand ça te laisse trop de place à l'interprétation, à un moment, tu laisses une page blanche, c'est... Ok. Et non ? Attends, mais finalement, est-ce que les films qui te font réfléchir, qui font que tu repenses souvent, c'est pas ça qui est le plus intéressant ? Parce que finalement, ce film-là, il va te rester plus qu'un Doctor Strange ou un Civil War. Pas du tout. Celui-là, il va pas me rester... Non. Ah ouais, tu as préféré Doctor Strange, enfin t'as vu les... Oh ouais, je les ai tous vus les films du MCU, et c'est Doctor Strange va pas me rester non plus. Ton préféré du MCU ? Le premier Avengers. Ton deuxième ? Je sais pas. J'essaie de tirer un peu la corde. Aucune idée. Ok, d'accord. Et le futur de l'univers Marvel au cinéma ? Spider-Man me tente bien parce que c'est Spider-Man. Mais bon, je sais pas trop quoi en attendre. Et Thor Ragnarok, j'ai envie de le voir parce qu'il y aura Benedict Cumberbatch dedans. Après, c'est vrai que la bande-annonce donnait plutôt envie aussi, mais je suis pas plus. Moi les films du MCU ne m'excitent pas de base depuis plusieurs années. Voilà. On va passer à Maxime et on va finir par Juni. Parce que Juni a plus l'occasion de donner son avis. Ouais, et je vous laisse après mon avis. Moi, j'attends la suite. J'ai adoré le film, j'attends le 3. Pour moi, c'est une trilogie, c'est un film... C'est un ensemble. Je suis un peu mitigé quand même sur le 2. Même si ça s'est pas ressenti, je suis un peu mitigé sur le 2. Mais c'est contrebalancé par le fait que je me dis que le 3 va être ouf, quoi. Ok. Et après, j'attends Spider-Man. Et tu attends Thor Ragnarok? Pas du tout. Pas du tout. Et Avengers Infinity War? J'attends de voir en plus. Okay. Pour l'instant, c'est rien. C'est Spider-Man qui toi. Moi, pour l'instant, c'est Spider-Man. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Tom Holland. c'est ton argument d'après. Non, parce que je trouve que c'est le renouveau du MCU. Et tu vois, je me dis que là, aujourd'hui, on a vécu un MCU avec l'équipe originale, Iron Man, Thor, machin. Et tu vois, je me dis, demain, ça va peut-être être, Spider-Man, Miss Marvel, Nova et Star-Lord, tu vois. Et genre, je me dis... Ce que fait Marvel en ce moment, ce qui marche pas, c'est qu'ils sont en train de revenir au bas. Et je me dis... C'est pas la même raison, mais pour parler du comics, ça marche pas parce que DC a fait une politique complètement d'où on revient nous aux origines et on se ressent vachement sur les personnages, ou alors avant ils faisaient un peu n'importe quoi, tu vois. Bah oui, non, mais c'est Marvel qui fait de la merde en ce moment, en plus avec leur perso du coup, qui... Secret Wars est bien vendu, All in the Friend c'est bien vendu, tous les trucs sont bien vendus, mais juste en fait, vu que DC a fait un virage en mode... on se resserre vachement nous sur notre ligne éditoriale et on fait que du Batman, que du Superman. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, on revient à la base de DC. On revient à la quintessence et que du coup ils les ont laminés sur les 6 derniers mois. Mmh. Et ben du coup les mecs sont obligés de dire on peut pas rester deuxième, il faut qu'on se recentre. Et du coup je pense que la direction s'explique comme ça, tu vois. Ok, Juni, si tu peux finir. On a fini là, donc. Je suis moyennement pressé pour Spider-Man parce que je suis pas en manque de matériaux au niveau Spider-Man, mais l'angle teenage me plaisait bien, du coup je pense que je l'avais déjà dit et j'irai le voir un dimanche matin parce que voilà. Je suis extraordinairement pressé de voir Thor 3 parce que j'ai confiance en le réalisateur, l'esthétique m'a juste explosé le cerveau. Disons qu'en fait ils auraient dû commencer par ça. Surtout pour moi qui aime beaucoup Thor, qui lit pas mal de bouquins et qui, pour le coup, j'ai lu justement le Ragnarok. Bon, il n'aura rien à voir niveau scénario, mais niveau esthétique, ils ont vraiment réussi à ressentir cet aspect-là que j'aime beaucoup. Et en fait, là, niveau Marvel, je suis essentiellement pressé pour tout ce qui est cosmique, donc on va dire les prochains Gardiens de la Galaxie, le prochain Thor, et dans un sens, le prochain Avengers aussi, vu qu'il y a Thanos et autres qui se ramènent à l'intérieur. Et il y a mon négro Thanos et il y a mon négro Corvus Glaive, qui est son homme de main. Il ressemble à un orque blond avec une longue lance. Le mec est juste badass. Et je suis à la limite de faire le fanboy. Parce que je me connais, quand je vais débarquer, je vais commencer à décortiquer et je ressors jamais d'un film en étant complètement transi. Mais je suis pressé. Je pense que je vais être satisfait, même si c'est pas des chefs-d'œuvre, du moment que c'est suffisamment divertissant. Et... En fait, si c'est du niveau du Gardien de la Galaxie qu'on vient de voir, je serais très content. Ok. Puis ça ferait du bien. Hein, voilà, et bah, je vais conclure avec mon avis. Moi, j'attends. J'ai vraiment apprécié ce film. Autant que le premier, je pense. Si ce n'est plus. Non. Là, je le mettrai au même niveau. Vincent, c'est fou de moi. J'attends pas vraiment Spider-Man. Je suis en mode, je verrai bien. En fait, tu vas le voir parce que tu vas en parler. Même si j'avais pas l'émission, j'irai le voir, je pense. Parce que c'est du cinéma et que c'est du cinéma grand spectacle. Bon, je vais pas voir les Transformers, par exemple. Mais ça, j'irai le voir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, tu vois, j'aurais pas d'émission à faire, un truc comme ça. Il y en a certains Marvel que je regarderais en DVD ou par mon oncle d'Amérique. Parce que sur Doctor Strange, à part les visions psychédéliques, je me suis fait chier. Ouais, moi aussi, je vois la Game Boy en même temps. Doctor Strange, rétrospectivement. En fait, je suis allé le voir parce que c'était Doctor Strange et que je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu mais, pareil. Mais rétrospectivement, j'aurais très bien pu le voir chez moi. Mmh. Sauf pour. En fait, le seul truc qui justifiait vraiment de le voir au ciné, c'était les scènes. C'était vraiment ça. Après, pour ce qui arrive maintenant, Captain Marvel, par exemple. Moi, je m'en fous. J'ai absolument aucune envie de le voir. Parce que le personnage m'a jamais intéressé. L'actrice qu'ils ont prise, en fait, je la connaissais à peine, donc j'ai pas d'a priori par rapport à elle. Ouais, The Room est vraiment cool. J'ai la chance de le voir. Il est sur ma liste là à voir. Ouais. Le Captain Marvel m'intéresse absolument pas. T'aimes pas le personnage en comics ? Non, elle en fait, j'ai toujours été indifférent. Ça, plus le fait qu'à chaque fois que Marvel essaie de la pousser un peu comme leur Wonder Woman, et ça marche pas très bien. Et le seul truc que j'ai aimé, c'était Miss Marvel, c'est ça ? C'est un autre personnage. Carol Danvers m'a jamais intéressé particulièrement. Donc faire un film sur elle en soi, bof. Par contre, il y a Black Panther et là. C'est même pas... Oui, Black Panther me tente bien aussi. Ouais. Là, c'est même pas. Alors bon, il y a l'élément du fait que le mec vient d'Afrique et tout, donc il y a déjà. Mais l'acteur est bon. Il y a déjà de ça d'un point de vue patriotique, on va dire. Je me sens. C'est mon devoir d'aller voir. Mais le casting. Mais voilà, le casting, le choix de réalisateur et tout. Je suis tellement pressé pour ce film, c'est abusé. D'ailleurs, l'acteur, il est dans un film qui sort la semaine prochaine. Donc j'ai pas du tout entendu. Enfin, j'ai vu les affiches. Mais il y a King dedans et ça m'a fait rigoler. Ouais, voilà. Ça a l'air sympa. J'aimerais bien une ambiance à la Jackie Brown en fait. Un truc bloc Steve Puffin. Enfin, j'aimerais bien. Pour le délire. Non. Ouais. J'attends de voir ce que ça va donner. Ouais. Ok. Bon, bah, on va finir sur ça. Merci à tous nos invités. Merci à Vincent. J'espère qu'on t'a pas trop ennuyé pendant 2 heures à te parler du. Non, mais je reviendrai pas. Hein. Tu reviendras pas. C'était cool. Ok, et sachez que vous pouvez le retrouver toutes les 2 semaines dans Geek en série. Le dernier est sorti, c'était sur Penny Dreadful. Et je pense que vraiment j'ai vraiment apprécié faire cette émission. J'ai trouvé vraiment avec le retour de la réécouter, c'est vraiment une super émission. Franchement, allez la voir. Rien que on va pas censer les roses, mais rien que tu te tapes l'ambiance est vraiment cool. Et on a trouvé le petit truc. En plus, nous allons continuer en podcast, donc ça va être un truc un peu dans la même ambiance que vous avez écouté là, peut-être. Vu que c'est moi qui présente, non, ça sera bien droit, bien écrit. D'accord. Mais avec de l'humour, dans le même style que la radio, c'est tout. Ok, Juni, on se retrouve et, là. Et, attends, je voulais juste dire, vous pouvez voter pour choisir. Ah oui, vous pouvez voter pour choisir. S'il vous plaît. Je vais retirer. S'il vous plaît. Tais-toi, James. Ne votez pas pour la nounou d'enfer. Je suis ta chef. Alors, vous pouvez voter entre la nounou d'enfer, Orphan Black et Punching Daisies. Juni, tu n'as pas voté encore, mais s'il te plaît, vote pour Orphan Black. Dis-nous ton vote en direct. Bah moi, ce serait Orphan Black, oui. Je suis désolé, mais j'aime pas la série. Donc Et une très très bonne série. Très très bonne série d'Orphan Black. Et on a hâte de pouvoir en parler. Surtout Pushing de ne pas Daisy parler aussi, de. Pushing Daisy, c'est bien. Ouais, Pushing Daisy, c'est bien aussi. Mm. Avec les très beaux sourcils de. De Lee Pace. De Lee Pace. Okay. T'as jamais vu qu'il avait des sourcils assez particuliers ? Je t'avoue, je fais pas tellement attention sur ce regarde, franchement, regarde. Ah non, regarde, tu vois que ça. Regarde les. Ça. Si tu vas sur internet, tu tapes Lee Pace. Il a vraiment des sourcils. Mais bien taillés. Voilà. Ok. Ça se voit dans le Hobbit, ça se voit très bien. Ça devient hypnotique en fait, quand tu le sais, tu vois que ça quoi. Okay. Malheureusement, dans les gardiens, on le voit pas parce qu'il a son casque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, dans les gardiens, j'étais trop occupé à sa prestation de. Ah, mais il est excellent. De Ronan, très très bon acteur. Juni, on te retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore de quoi nous parlerons. Peut-être de Face, si on a toute l'équipe ou pas, on verra. L'héroïne un peu ronde de chez Valiant. Que Faye n'a pas aimé. Mais tu as dit que tu ne voulais pas. Non, mais bon, si je suis obligée de venir, je vais dire que j'aime pas. D'accord. Moi, j'ai trouvé ça assez cool. Donc peut-être on parle de ça, je ne sais pas encore. À la semaine prochaine. Bye. Et vous sachez que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux et sur le site internet Comics Discovery. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur iTunes et nous mettre un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Et sachez que vous pouvez retrouver Vincent aussi tous les mardis matin dans la matinale où il vous parle de séries. Genre, il a parlé de Cosmos, la série de Neil deGrasse Tyson. Oui, c'est très bien. T'as pensé à recommander Carl Sagan aussi ? Oui, j'ai bien évoqué. Donc voilà, si vous voulez entendre parler de séries télé et de politique, parce que forcément dans la matinale de Radio Campus, c'est toujours un peu de politique. On dit merci à la Game Taverne de nous avoir re-accueillis. C'était vraiment cool. Et allez à la Game Taverne, j'ai pas noté l'adresse, mais vous tapez Game Taverne sur. Allez-y, c'est très bien, vous serez bien accueillis. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye.